C'est bizarre parce que eux-mêmes ils s'entendent avec toi. Coucou, c'est là son truc qui t'envoyait les trucs. Maintenant là j'ai cliqué sur un voice là. Comme il envoie les petits extraits, je me rends compte que c'est un extrait de Chora. Putain, les gars avaient seulement la haine contre lui. Mais on avait pris des neufs, non? Et c'est où? Mais on branche pas. Non, ça se branche pas. Même en USB, ça charge pas. Non, ça, on branche même pour prendre le. C'est sûr, on a mis ça dans le sens, c'était allumé. Donc c'est resté allumé. C'est resté allumé, ça décharge. Il y a plus une pute. Pourquoi comment ton ventre comme si tu étais enceinte? C'est à l'écho qui est dans ton ventre là. On peut commencer maintenant. On va prier. On va prier. Bonjour Abidjan. Bonjour. Bonjour. Bonjour Abidjan. Bonjour. Bonjour les Abidjanaises. Bonjour. On va prier alors. Où est la sœur là? La sœur d'Abina. Où est ta chaise à toi? Fais apporte ta chaise ici alors. Tu as lu ma Bible, non? Prions, prions. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment merveilleux que tu nous donnes autour de ta parole. C'est toujours un moment de bénédiction de se réunir autour de ta parole car nous savons que tu es là pour nous diriger. Merci pour cette ville, merci pour la ville d'Abidjan, merci pour ce pays, la Côte d'Ivoire que tu aimes. Merci pour ce que tu as fait dans ce pays. Nous te remercions, Père de gloire, de bénir cette maison, de bénir tous ceux qui entrent et tous ceux qui en sortent. Merci, ô Dieu, pour tout ce que tu vas faire dans nos vies maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. Ouvrons notre cœur à sa grâce infinie, donnons le bien aux pécheurs auprès du Seigneur. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Qui sauve, il guérit, il enlève le doute. Il est là maintenant. Il montre un endroit pour jeter la souillure. Voilà, c'est ici Golgotha. Un lieu de folie, un endroit de refus. Mais crois, le pardon est bien là. Auprès du Seigneur, auprès du Seigneur. Avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. En chantant, il sauve, il guérit, il enlève le doute, il vit, il est là maintenant. Suivons le chemin qui plus loin nous entraîne au centre de la vérité. Pendant que l'amour de Jésus nous entraîne au règne de l'éternité. Seigneur, auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. En chantant, il sauve, il guérit, il enlève le doute, il vit, il est là maintenant. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. En chantant, il sauve, il guérit, il enlève le doute. qui vit, il est là maintenant. Amen. Je suis à votre service. Je suis à votre service. Vous avez les cahiers pour me bombarder avec les questions. Bonjour. Soit les questions là où c'est le cours. C'est le cours de mathématiques. Elle est contente. Là, c'est content. Tu es content. Alors, je suis à votre service, ma soeur. Merci, mon frère. Maman, comment? C'est juste des éclaircissements. Oui. On a entendu les enseignements de loin. Mm-hmm. On a questionné le mari. À la maison? À la maison. Ils n'ont pas répondu. Et donc, avec le consentement du mari, oui, on vient vers le frère pour d'amples explications. Donc, mon frère, c'est dans l'enseignement, question numéro 1. Oui. Dans l'enseignement qui est titré Étude de l'Épître de Jacques 1. Oui. Pourquoi avoir choisi la pomme au lieu d'un autre fruit? Mm-hmm. La question a été posée dans l'enseignement. Il n'y a pas eu de réponse. Tu as suivi d'autres enseignements pour attendre, pour entendre la suite, tu n'as pas suivi. Bon, mais je n'ai pas eu clairement cette réponse-là. Peut-être que c'était dans d'autres enseignements, comme je l'ai dit. Oui. Mais je n'ai pas perçu cette réponse-là. Mm-hmm. Donc. Et dans cet enseignement, j'avais demandé qu'on coupe la pomme à un moment donné. Oui, oui. Que si vous coupez la pomme, vous venez, je vais vous dire. Bon, est-ce que tu as coupé la pomme alors? Oui, mon frère. Il y a pomme ici maintenant. Non, il y a pomme dans la maison. Pas la maison. Voilà, on devait voir ça maintenant. Bon, quand tu as coupé la pomme, qu'est-ce que tu as vu? Bon. Il y a les grains qui sont au niveau qui se départagent, mais au milieu, il y a comme la tige qui se prolonge quand tu traverses oui. la pomme. Comment vous ne parvenez pas à voir clairement? Quand vous coupez directement, vous allez voir. Ah oui, c'est vrai, ça ressemble beaucoup à. Oui. Ah. Que ça sort de ma bouche, oui. C'est vrai que ça ressemble à un sexe féminin. Voilà. Ouais. Donc, tu as découvert ça? Mais je sais. Non, maintenant que le prend, on parle. Oui, c'est ça. Ça ressemble à ça. Et ça, c'est lui, c'est vrai. Donc, il y a deux choses dans la paume. Dans ces deux choses-là, il y a ce que vous avez dit et il y a le pentagramme. Waouh! C'est quoi? Le pentagramme. D'accord. C'est bien les sorciers. Alors maintenant, pourquoi est-ce que quand on ne voit nulle part la pomme dans la Bible, mais quand les gens disent qu'ils ont mangé le fruit de pendu, on choisit de façon spécifique la pomme parce qu'il y avait il y a quelque chose là qui désigne le ce monde là et ce qui s'est passé en réalité. Deuxième question. Amen. Dans le livre de Jean 1, verset 51. Jean chapitre 1. Verset 51. Mm-hmm. Où c'est le Seigneur même qui parle, qui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Oui. Comment? Les anges mangent comment comprendre ce verset? Donc dans ces gens, chapitre 1, verset 51, où le Seigneur parle, et si vous remarquez dans vos références, on a renvoyé à l'histoire de l'échelle de Jacob. N'est-ce pas? Maintenant, et le Seigneur Jésus dit, vous verrez désormais, vous allez voir maintenant désormais les anges monter et descendre haut. Sur le fils de l'homme. Comment les anges peuvent monter et descendre sur Jésus? Comment? Comment donc les anges montent et descendent? Ok, désormais, depuis donc là, dans le Nouveau Testament, si vous avez vu les anges monter et descendre sur lui, c'est monter, c'est descendre sur lui qui fait de telle enseigne que les gens ont pensé que Jésus est l'échelle. Comme dans le livre de Genèse, où on a vu Jésus, l'échelle. Jacob s'est couché quelque part et puis il a vu un endroit, il y avait l'échelle. Elle dit, ah, je ne savais pas que l'éternel était en ce lieu. Certainement, l'éternel est en ce lieu. Vous savez ça, n'est-ce pas? Oui. Allons-y dans Apocalypse chapitre 22. T'as pas lu, tu peux encore lire ça dans la Genèse? Si moi je lis, non, moi je n'ai pas lu. Moi j'ai lu, c'est Jacob qui a lu. Mmh. Là où il a des bêtes, parce qu'il a des bêtes. Donc lisons Genèse chapitre 22. Vous y êtes, Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Verset 16. Qu'est-ce que ça dit, ma soeur? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Oui. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Oui, voilà, maintenant, regardez bien si c'est à l'esprit qu'on a lu là. Il va aller vraiment doucement. Vraiment doucement. Reposer la question, relis encore le verset 51 de Jean 1 là, et on voit ce qu'il en a. Et il lui dit, oui. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Sur le Fils de l'homme. Mais là, écoutez très attentivement. Non, ne ferme pas. Qu'est-ce qui pousse le Seigneur Jésus à dire cela? Dans ce passage là, qu'est-ce qui le pousse à dire ce qu'il a déclaré là? Il dit en vérité, en vérité. Quand il dit en vérité, il donne des déclarations vraies et inéluctables. Chaque fois que le Seigneur dit en vérité, donc c'est une vérité établie. Donc il y a un mystère qui est dévoilé. Qu'est-ce qui le pousse à dire? Qu'est-ce qui précède ces versets-là? Qu'est-ce qui s'est passé en haut pour qu'il dise cela? C'est quand il a vu Nathanaël et il lui a dit que tu étais sous le figuier. Oui. Voilà. Et il lui a dit que parce que je t'ai dit que tu étais sur le figuier, tu verras encore de plus grandes choses. De plus grandes choses. Alors maintenant, qu'est-ce que les gens pensaient de Jésus dans ce moment-là? On pensait qu'il est quoi? Un prophète. Un prophète, oui, quoi encore? Oh, ils ont eu le prophète comme Isaïe. Ils ont eu le prophète comme Jérémie ou là-bas, comme Moïse. Mais ils pensaient que seulement que Jésus était prophète. N'est-ce pas? Un grand prophète apparaît au milieu de nous. Mais on ne savait pas qu'il était celui dont Moïse parlait, qu'il est le prophète. Un prophète simple, c'est différent. Mais le prophète, de façon spécifique, dont Moïse parlait dans ses Deutéronome 18, verset 22 là-bas, c'est différent. C'est quelqu'un de différent. Parce que c'est pour ça qu'au chapitre 1, là, toujours, verset 19 à 25, on va envoyer des Lévites pour lui demander que es-tu le prophète? Il dit non, je ne suis pas. Si tu n'es pas le prophète, donc pourquoi baptises-tu? Parce qu'ils attendaient le prophète, pas un prophète. Jean-Baptiste était un prophète, mais pas le prophète. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, ici, il dit quelque chose de façon spécifique à Nathanaël. Quand il voit Nathanaël, il dit voici un évangile en qui il n'y a point de faute. Nathanaël dit Rabbi, où me connais-tu? Il dit en vérité, avant que tu ne t'appelles sur le figuier, je t'ai vu. Il ne dit pas je t'avais vu, il dit je t'ai vu. C'est une autre connotation. Il dit je t'ai vu. Qu'est-ce que ça veut dire, ma chère? Qu'est-ce que ça veut dire, je t'ai vu, selon vous? C'est la prédestination. Hein? Mais ma chère, tu es forte. Hein? On y croit à la prédestination. Hein? Donc, il a vu Nathanaël avant qu'il ne soit dans le sein de l'État. Il dit, ah! Nathanaël a parlé comme les Ivoiriens. Il a dit, ah! Rabbi, toi là, qu'est-ce? C'est ça, non? Et là, le Seigneur dit que, en vérité, tu vois, quand il te dit ces choses-là, tu penses, tu verras encore plus grand que ceci. Non. Il est disant, mais vous verrez. Donc, il a fait quelque chose, il a amené le niveau de révélation au-dessus de ce qu'il vient de dire là maintenant. Il vient de désigner que les anges montent et descendent du ciel sous son ordre. Donc les anges montent et descendent sous son ordre. Donc c'est lui qui donne les ordres aux anges. Sa parole court avec vitesse, dit la Bible. Pas qu'il ait une échelle quelque part où les anges mangent et descendent sur lui. C'est quand les gens ont vu qu'il y avait une échelle là-bas, dans Genèse, ils ont mis un parallèle avec ceci. Mais c'est sous son ordre que les anges descendent. quand les anges lui descendent, c'est lui qui donne le parfait. Apocalypse 22 lui dit clairement, il dit c'est moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Or si vous regardez dans la Bible, vous allez voir effectivement que dans Luc de Luc au chapitre 22, enfin dans chapitre 26 de Matthieu, quand il sera dans le jardin, on dit qu'un ange du ciel est venu pour le fortifier. Quand il a fini d'agoniser, quand il a agonisé, on dit qu'un ange descend du feu. Mais ici, c'est lui qui envoie les anges. Donc les anges descendent sur son nom. Or, aucun prophète ne peut contrôler un ange. Il faut que vous remarquez la dimension de la personne. Aucun prophète ne contrôle un ange. Pour Moïse, on a dit, voici mon, il a dit, voici mon ange marche devant de toi. Prends garde à lui. Mon ange va te conduire. Vous voyez, donc l'ange marche devant de Moïse. L'ange marche devant Josué. L'ange marche devant de tous les prophètes. Mais c'est lui qui, ici, ce prophète, c'est le prophète spécifique qui envoie les anges. Il n'est pas seulement prophète. Amen. Question. Jésus est celui qui envoie les anges. Les anges descendent sous son ordre. C'est à cause. Il croit que l'enfant l'avait. Il faut que l'enfant ne se passe pas mal avec. Alors les anges descendent sous son ordre. Cette connotation seulement, cette connotation que les anges descendent sous son ordre, devrait faire que les gens se posent des questions sur la personne de Jésus. Ça touche sa divinité ici. Ça touche sa divinité. Aucun, la Hébreu chapitre 1 dit, aucun des anges a-t-il jamais dit à ce que ici, que tu es mon fils, à ce que ici, jusqu'à ce que tu es venu, remarche pied. Donc le Seigneur Jésus n'a pas la nature des anges. Il n'est pas aux dimensions des anges. Vous voyez, dans ce Hébreu chapitre 1, quand les gens disent Hébreu 1, ils disent, avant les temps anciens, Dieu avait parlé à nos pères par les prophètes. Mais dans ce dernier temps, il a parlé par le Fils. Les gens ne se posent pas la question que comment Dieu parle par le Fils. On a comme impression qu'il y avait initialement Dieu envoyé les prophètes que va faire tes choses. Maintenant, il a désigné plutôt le Fils que va faire tes choses. C'est ce qu'il comprend. Il ne veut pas comprendre ce qu'il veut dire. Dieu a parlé par le Fils. Il ne comprend pas ce que ça veut dire. Et quoi que Dieu a dit au Fils que, ok, désormais, c'est ton moment maintenant. Toi, on va parler. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Si c'est posé des questions que le royaume des cieux, qui est roi dans le royaume des cieux, cette seule réponse, la réponse à cette question-là devait mettre la part des choses entre le Seigneur et Dieu. Comme ils disent là. Vous me suivez? Le royaume de Dieu, qui est le roi là-bas? Qui est le roi dans le royaume de Dieu? Et mes soeurs? Dans le royaume de Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu. Et Jésus est donc quoi? Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Donc, c'est le Seigneur des Seigneurs. Ah, mais dans ce cas, il commande non Dieu alors. Ah, il est Dieu. On n'attend pas dans cette polémique là. Non, c'est pour dire. C'est pour dire justement que dans le royaume de Dieu, si on pose la question, ok, le royaume de Dieu, qui est le roi? Si cette question-là est répondue, on saura exactement qui est le Seigneur Jésus, qui est venu. Parce que c'est lui le roi, il n'y a pas deux royaumes. C'est un seul royaume et c'est lui qui est roi. Il n'y a pas un moment donné où il ne doit plus être roi. Il est roi pour toujours. La Bible déclare que son règne n'a pas de fin. Et s'il règne sans fin, entre-temps, où sera Dieu? Vous voyez là, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Alors, considérez la personne de Jésus. La personne de Jésus, c'est lui qui donne les ordres et les anges descendent. Amen. Il n'est pas à la dimension de Michael parce qu'il envoie Michael à l'heure. Question. La langue, comment l'âme fait pour manger la parole? Bonne question. Mais sa question est dure, hein. Comment l'âme fait pour manger la parole? Vous notez bien. On y va. L'âme, c'est la partie subtile du corps la plus dangereuse qui nous fait pécher. L'âme, c'est la partie subtile du corps la plus dangereuse qui nous fait pécher. En réalité, c'est la répétition de ces plaisirs et de ces désirs qui fait atteindre ce que nous obéissons avec notre chair. En réalité. Dans le livre, allons dans 1 Pierre, 1 Peter, 1 Pierre chapitre 1. Verset 11 et 12. Vous y êtes là. 1 Pierre chapitre 1, verset 11 et 12. La question c'est comment faire, comment l'homme fait pour manger la parole. Vous allez voir les détournus maintenant. Vous y êtes. On peut lire, ma soeur. Voulant sonder l'époque et les cycles. 1 Pierre. Non, mais oh, ça c'est le chapitre 2, oui. Allons au chapitre 2, verset 11 à 12, c'est ça. Bien-aimé, oui. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous avez vu cela? On dit la convoitise charnelle fait la guerre où? À l'âme. À l'âme. Donc la répétition se passe à l'intérieur. Quand quelqu'un reste, il dit, ah! Il me faut aller à Port-Boué, manger le canard là-bas. Pas manger le canard à Port-Boué. Qu'est-ce qui te pousse à faire cela? Il dit ici que bien-aimé, il dit bien-aimé, je vous exhorte quoi? Comme étranger et voyageur sur la terre. Il veut qu'on se souvienne qu'on est des étrangers et des voyageurs, on est des passages. Il dit à vous abstenir aux convoitises charnelles qui font ces convoitises-là, ces attractions mortelles. Font la guerre, persécutent l'âme. Or, l'âme, nous ne la voyons pas. C'est surtout à l'intérieur de nous. C'est la partie de notre être dangereuse qui absorbe les choses négatives et les répercute sur notre chair. Et nous les manifestons. Quand on les manifeste sur la chair, par la chair, c'est-à-dire au travers de notre partie palpable, si, c'est le résultat de ce qui a eu lieu à l'intérieur. Nos âmes ont été vraiment bombardées. Et c'est la guerre là. C'est la guerre. C'est pour cela que le rachat a eu lieu plutôt dans l'âme. Le Seigneur Jésus a dit à Matthieu, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps, c'est-à-dire ceci, mais qui ne peut rien faire à l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr et le corps et l'âme dans la géhenne. Vous voyez? Et dans le chapitre 12 de Luc, là, il a posé la question, que donnera un homme en échange de son âme? L'âme est précieuse. L'âme, c'est la partie de l'être qui doit être jugée. Remarquez parce que la Bible déclare qu'il faut tous comparer devant Dieu afin que chacun reçoive soit le bien, soit le mal qu'il a fait étant dans son corps. On dit que cette personne a fait étant dans son corps. Comment la personne est dans son corps? C'est-à-dire que quand cette partie-là est dans son corps sur le plan physique, qu'as-tu fait avec cela? Vous voyez ça, n'est-ce pas? Vous allez définir, parce qu'il n'est pas encore répondu à la question. Je vais expliquer quelque chose avant d'y revenir. Donc l'âme, c'est la partie qui nous pousse à désirer, à faire des choses. C'est le siège où ces choses-là, quand tu dis que waouh, il me faut une très belle maison. Quelle est la partie qui dédie cela? Le Seigneur a dit, par exemple, dans Matthieu chapitre 15, verset 1 ou verset 22, il a dit, car c'est de l'intérieur que viennent les mauvais désirs. Et à l'intérieur, là-bas, c'est ça qui fait, et ça qui souille l'homme. Ça souille l'homme. Donc la répétition, ça commence à l'intérieur. Et puis ça se manifeste à l'intérieur. Quand tu manifestes ces choses, tu dis, oh, misérable qui je suis, comment j'ai pu faire ces choses que j'avais dit, je n'ai pu faire. C'est à l'intérieur que ça naisse. Vous voyez? Parce que l'âme est confondue avec le sang. Vous voyez cela? Maintenant, vous allez lire la Bible, vous allez voir que l'âme est confondue avec le sang, l'âme est confondue avec le cœur. Donc, le cœur, en réalité, le cœur se trouve dans l'âme. Mais l'âme se trouve dans le cœur. Non, le cœur se trouve dans l'âme. Ce que vous avez là, ce que vous avez comme organe là, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il avait dit, dites, ah, mon cœur. Si on enlève ton cœur, on fait le greffage de cœur. Il va poser la question dans un enseignement. Si on prend mon cœur, par exemple, on greffe dans ton cœur, est-ce que tu vas aimer les mêmes choses que j'aime? Il dit non. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pas le cœur qui est le cœur là, c'est l'organe du cœur là, c'est pas le problème. Il y a l'âme là. C'est l'âme. Et l'âme de quelqu'un, on ne peut pas opérer pour prendre l'âme de quelqu'un, donner à une autre personne. Ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez changer l'organe, la personne reste identique. Parce que c'est dans l'âme où ça se trouve. Si c'est pas comme ça, si c'était le sang ci, si c'était le sang rouge que vous voyez là, c'est quand on fait la transfusion sanguine, si tu étais un bandit, on donne tu étais quelqu'un qui était bien. On prend la transfusion sanguine, on prend le sang d'un voleur, on te met là, tu deviens voleur. Mais pourquoi quand on prend le sang d'un voleur, on te donne, tu n'es pas voleur. Pourtant, on dit l'âme est dans le sang. Vous voyez? Donc l'âme c'est un être qui est exactement comme nous, comme ça. Si je suis comme ça, l'âme est exactement comme moi. Mais ça se trouve à l'intérieur. Vous voyez cela, n'est-ce pas? ton âme, on ne peut pas enlever. Ton âme, parce que ton âme, c'est ton identité, c'est toi. Mais le problème, c'est que regardez très attentivement. L'âme là, est plus grand que ce corps physique-ci. L'âme là est plus grand que ce corps physique, son enveloppe est plus grand. Bon, tout ce que vous ressentez, écoutez tout attentivement là-haut, tout ce que vous ressentez donc sur le plan physique ici, c'est les cinq sens que nous développons, donc les répercussions, donc c'est sur l'âme. Et donc quand la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 5, chapitre 4 et chapitre 5, que nous marchons par la foi et non par la vue, il ne parle pas de cet être-ci. Parce que cet être-ci marche par les cinq sens. Et vous m'écoutez très attentivement. Quand la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 5, par exemple, dit que quand nous, si nous marchons, c'est comme nous marchons par la foi et non par la vue. Ce corps-ci ne peut pas marcher par la foi. C'est l'être qui est à l'intérieur qui marche par la foi. Parce que la façon pour y entrer, pour pouvoir manger la parole, c'est par cette foi. C'est voilà la voie par laquelle on envoie. Alors que ici, pour pouvoir faire n'importe quoi avec notre corps, il faut les cinq sens. Si parmi les cinq sens, l'un ne fonctionne pas, tu es handicapé sur la terre. Vous voyez? Donc c'est le corps n'est pas constitué à marcher par. Ce corps-ci n'est pas constitué à marcher par la foi. C'est marcher par les éléments qui sont tout autour de nous. C'est donc pour cela que, ouais, la Bible déclare qu'il faut que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Or, si on enlève notre cœur, on enlève notre cœur en tant qu'organe, on met la machine. Parce qu'on maintient les gens souvent dans la machine, avec la machine aura les yeux. Il ne s'agit pas de ses cœurs, il s'agit des yeux de la personne qui est à l'intérieur. Les yeux de cette personne-là voient au travers de l'âme. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je suis. Donc c'est la personne à l'intérieur qui marche par la foi. Or, le vrai problème maintenant, comme la Bible déclare, c'est 1 chapitre 2 là, c'est que l'organe de ce corps-ci, le corps, l'enveloppe, a tellement des événements qui lui sont suggérés par les cinq sens au point où ça fait taire la partie de la partie invisible qui est à l'intérieur, donc qui absorbe par la foi la parole, au point où ce sont des choses réelles, palpables, qui sont plus réelles pour celles qui sont à l'intérieur. Et par conséquent, la personne qui est à l'intérieur, qui devrait vivre par la foi, se trouve absorbée, abasourdie et renversée par les événements palpables de la vie, les réalités de la vie. C'est donc pour cela que quand quelqu'un aime le Seigneur, la première chose à faire, donc, c'est la parole. Il faut développer la parole. Pour que la parole commence à renverser la tendance à l'intérieur. Renverser la tendance à l'intérieur pour que, malgré que l'œil voit quelque chose qui est comme difficulté, que l'intérieur dit le contraire. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ok, maintenant regardons bien. Hébreux. Hébreux chapitre 11. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse vraiment. Je vais lire deux personnages dans la Bible, dans ce Hébreux chapitre 11 là. Verset 8 et jusqu'au verset 11, ou bien, je vais la partie verset 8, regardez très attentivement. C'est plus on a expliqué depuis là, ça c'est contenu là dedans. En fait, c'est ce qui est dans la Bible. Regardez. Hébreux chapitre 11, verset 8 et suivant. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Nous, la réalité, c'est que si tu veux partir d'un point A à un point B, il faut que tu saches des points de chute. Pour voir sur quel chemin aller. Or, ici, il était guidé par la partie intérieure qui dit va, même si tu ne sais pas où tu as d'aller. Vous voyez? Maintenant, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Ils ont fonctionné de la même façon. Ce sont les gens qui marchaient guidés par la partie intérieure, par la partie extérieure. Vous voyez? Car ils attendaient la cité qui a des solides fondements. C'est dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Verset 11, c'est par la foi que, écoutez bien, c'est pour cela qu'il est dangereux. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Vous lisez la Bible ici, vous allez lire la Genèse, vous allez voir que ça semble être une contradiction. Vous voyez là, n'est-ce pas? Ah. Donc Sarah, ici, la Bible déclare que Sarah est une héroïne de la foi, héroïne de la foi. Et on dit qu'elle crut, que ce n'est pas la foi qu'elle crut qu'elle a été rendue capable d'avoir une postérité. Mais vous allez là-bas, lorsque l'un des trois est en train de lui donner que Sarah verra un enfant, elle a ri de l'autre côté. Oui, oui, c'est ça. Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Il dit que moi qui suivais mon Seigneur est vieux comme ça, comment on se rend à l'hôpital? Mais qu'est-ce que la Bible appelle ici par foi? Parce que quand vous lisez cet événement-là, ça semble comme si elle était doutée. Et la preuve n'est que sur le plan physique, palpable, elle a vu sa vieillesse. Elle a pris Agar, sa servante, pour donner à Abraham que je pense que c'est ça là-dedans. Mais l'intérieur disait le contraire. Vous voyez là, n'est-ce pas? Dans les yeux de la foi. Sont les portes par lesquelles la parole manifestée entre pour voir les réalités spirituelles. Alors que les cinq sens voient tout simplement, et vous ne pouvez pas empêcher cela, parce que c'est Dieu qui lui a donné cette faculté-là. Les cinq sens voient ce qui est palpable. Tu ne peux pas savoir que le haricot a tel goût tant que tu n'as pas touché avec, la langue. Tu ne peux pas sentir l'odeur du café ou bien de n'importe quoi. C'est pour ça que quand vous allez avoir au niveau du nez, on ne peut pas sentir l'odeur avec la peau. Ce n'est pas possible de le toucher. Le toucher a son rôle. Et Dieu a fait autrement, on ne peut pas faire autrement. Donc, pour qu'on puisse manger la parole de la bonne façon, il faut qu'on va au-delà des cinq sens. L'âme mange au travers de la foi. Et c'est comment elle, cette foi-là, il faut que Dieu lui ouvre les yeux de l'esprit, les yeux qu'on appelle les yeux du cœur, pour qu'on puisse avoir cela. Et quand cela est ouvert, à cet instant-là, les réalités sont différentes de la vérité pour toi. Oui, c'est ça. C'est parce que quand il parle de les réalités sont différentes de la vérité. Ça veut dire, par exemple, que quelqu'un sera ici avec des problèmes. Tu auras des problèmes, par exemple, comme on voit ici. Enfin, ce n'est pas encore terminé, c'est fini. Ça, c'est Hébreux 11. Quelqu'un sera ici à côté de toi, ayant des problèmes sur le plan physique. Et vous voyez frérement qu'il y a problème. L'homme, des fois, lui regarde, il voit de l'autre côté ce que la vérité dit. Qu'est-ce que la vérité dit de cette réalité? Vous pouvez prendre un exemple dans le livre d'Exode chapitre 14. Lorsque les Juifs viennent raconter l'histoire, pour qu'on avance avec une question, lorsque les Juifs sortaient de l'Égypte, à un moment donné dans le désert, ils vont aller près du désert de Tsin, ils vont se rendre compte qu'ils sont en face de la mer, et là, ils voient comment on va traverser. Moïse était là comme ça avec eux. De l'autre côté à gauche, il y a les rochers. De l'autre côté à droite, il y a le vaste désert avec les. Si tu fonces là-dedans, c'est la certitude de la mort. Vous allez marcher à quelle distance de la désert? Derrière venait le pharaon avec toute son armée. Donc, les voilà, les quatre ennemis. Donc, ils sont entourés. Il y a les ennemis naturels, les ennemis physiques. La réalité disait clairement que les Juifs sont mal barrés. C'est pas là la réalité. Mais la vérité n'a pas encore dit son dernier mot. Qu'est-ce que la vérité a fait? La vérité, dans la nuit précédente, avait soufflé avec son narine, n'est-ce pas? Avec ses narines. Ça a écarté la mer. Donc, la vérité avait déjà écarté la mer, mais la chose palpable, c'est que la mer n'était pas écartée physiquement. Après, il a dit, lève le bâton. Quand il a levé le bâton, ça s'est écarté. Les deux murailles de mer sont formées. Mais là, les gens qui étaient palpables, qui étaient avec les cinq sens, ne pourraient pas percevoir cela. Alors ceux qui étaient dans les cinq sens voyaient la réalité, disaient qu'on est fini. Qu'est-ce qu'on... En Égypte, on devait mieux rester en Égypte, on mangeait le concombre, on ne mourrait pas ici dans le désert, n'est-ce pas? La foi a dit, la voix de l'âme a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Restez en silence car l'Éternel combattra pour vous. Ça, il faut voir de l'autre côté. Il faut que ce soit l'autre œil qui est en train de voir. Parce que physiquement, vous voyez la poussière de l'autre côté, les deux soulevés, les chevaux qui chevauchent venant vers vous. Vous n'avez pas d'âme avec vous. Vous n'avez pas mis des bombes quelque part pour dire qu'ils vont tomber dans la bombe en explosant. Bon, il n'y a pas de trou là-bas. Vous savez certainement que physiquement, ils viennent vers vous. Ils se dirigent vers vous avec toute la haine. Et là, une autre voix dit, ces Égyptiens que vous voyez de vos yeux physiques, vous ne les verrez plus. C'est leur fin comme ça. Sur quoi compte-t-on? Dans l'homme des foi, fait la part des choses entre la vérité et les réalités. Amen. La voie par laquelle l'âme mange au travers de cette ouverture-là, par la foi, les yeux de la foi. Parce que ça fait regarder les promesses de Dieu différemment par rapport aux réalités. Souvenez-vous de cela. Il ne s'agit pas de lire la parole comme ça, comme on lit là, comment on lit là. Parce que vous, nous lisons, nous percevons la parole de Dieu par nos sens encore. Vous pouvez lire comme ça là, vous dites, ah, Abraham crut. Et cela lui fut imputé à justice. Donc si tu crois, il va la voir de Dieu. Mon frère, si tu crois, tu verras la voix de Dieu. Comment tu vas croire, tu vas croire avec notre corps. Dans Jacques au chapitre 1, la Bible déclare, regardez bien, il dit recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Comment la parole a été plantée? C'est passé par où pour entrer dans l'âme? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, quand tu as entendu la parole, tu as cru de la bonne façon, ça pénètre au niveau de l'âme. C'est la porte d'entrée là-bas. Si tu y crois, mais là, si tu crois, tu verras la voix de Dieu. Tu vois un peu dire que Seigneur, je crois, en ouvrant les yeux, il compte sur la foi de quelqu'un. Seigneur, je crois, en ouvrant les yeux, je crois, ne réussis pas, je crois. C'est à l'intérieur, même si tu es calme, même si tu es calme à l'intérieur, tu sais exactement que tu crois. C'est bon, vous suivez, n'est-ce pas? Alors, la foi ne se situe pas dans le domaine de la chair. La foi, tout comme les choses du péché de la chair, si. Tout ça se réside à l'intérieur, dans le même endroit où la foi est censée résider. Les répercussions, c'est sur le corps. Si tu crois, quand tu vas croire, quand il y a la manifestation, c'est à l'extérieur. Quand tu vis à l'intérieur avec des désirs périssants dans l'âme, la manifestation, c'est à l'intérieur. Tu manifestes ce qui est à l'intérieur. Et le Seigneur dit que quand ce sont ces choses-là qui résident à l'intérieur, qui souillent l'homme. Pareillement, si la foi habite à l'intérieur, mais si la foi est plantée, si c'est bien planté en nous, quand ça produit la joie, la paix, la sérénité, ainsi de suite, la patience. Mais au préalable, il faut que la bouche de l'âme là soit ouverte. C'est par la foi. Amen. Amen. Question. Vous comprenez ce qu'il dit, n'est-ce pas? Si vous ne comprenez pas, il dit autrement. Vous regardez ici, vous allez voir Moïse, on dit par exemple que Moïse, c'est pas la foi par exemple, attendez là, c'est pas la foi qu'il est parti sans craindre la colère de Pharaon. Parce qu'il regardait dans l'invisible, il voyait l'opprobre de Christ et la gloire qui devait s'en suivre. Vous posez la question, il est en Égypte, il n'y a pas de livre. Comment au monde pouvait savoir que Christ sera crucifié? Comment? Comment Moïse, regardons ça ici dans Hébreu, regardez ici. Hébreu chapitre 11 toujours. À partir du verset 23, là, regardez. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du Pharaon. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Écoutez, verset 26, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Vous voyez, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Ici, nous avons la Bible devant de nous. On peut regarder un événement, on regarde un peu ce que la Bible en dit. Imaginez-le dans le temps passé. Il n'y a pas de livre comme ça, livre 5 qu'il lit. Comment il a pu faire ces choses-ci? Comment? On dit qu'il aimait le propre de Christ. On parle de le propre de Christ ici. Alors qu'il n'y a pas un livre écrit. Il n'y a nulle part un verset ici. À partir de lui, on commence à voir des syllogismes et avec des exemples que mon Christ, ces choses signifient Christ. Lui, il a vu quoi? Que Dieu vous bénisse. Amen. Question. On va épuiser toutes vos questions. Après ça, quand vos questions seront finies, moi, je vais vous poser aussi des questions. Non. Moi, je ne pose pas les questions. Hein. Pourquoi? Ça va passer sans suite. Allez, question. Okay. Ésaïe 38, verset 8. Ésaïe, le chapitre 38. Verset 8. Non, je vais te donner. Tu vas prendre ma Bible alors. Tu sais lire aussi. Ésaïe 38. Ésaïe 38. Donc on a retiré le soleil, n'est-ce pas? Ésaïe 38. Verset 8. Oui. Tu y es? Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'homme des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Oui. Et le soleil recula de 10 degrés sur le degré où il était descendu. Mm-hmm. Oui. Oui, ça t'a dérangé. Vraiment, je ne comprends pas. Tu comprends pas ce qu'on dit là? Non. Le degré d'Akaz, oui. Tout ça. Mm-hmm. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Oui. Et le soleil reculera de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Oui. Quel est le problème? C'est quoi les degrés? Bonne question. Les degrés d'Akaz. Aujourd'hui, vous avez les montres. Les montres qui trottent comme ça. Vous avez les montres qui trottent. Là-bas, on connaissait les montres parce qu'on peut mettre un bâton et en fonction de la direction du soleil, on sait à quelle heure on se trouve. Aujourd'hui, nous avons de façon moderne la montre. Dans chapitre 12, dans chapitre 3, par exemple, chapitre 3, mais ça est suivant. La Bible déclare que Pierre et Jean montaient dans le temple à l'heure de la prière. Dans chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les gens, l'apôtre Pierre dit que non, ce n'est que c'est la 9e heure, n'est-ce pas? Que c'est la 9e heure. Comment il sait que c'est la 9e heure alors qu'il n'avait pas de montre? Vous avez posé la question. Il n'avait pas de montre moderne comme nous. Comment on dit par exemple qu'à l'heure de prière? Connaît quand il a vu l'ange, il a dit que c'était vers 15h. Comment il sait que c'est 15h? Comment il disait? Donc, Aka, c'est un roi. Chaque roi venait avec des modernismes. Comme par exemple Ézéchias. Ézéchias va faire construire avec des façons ingénieuses des différents choses pour pouvoir faire l'irrigation pour pouvoir, par rapport à l'eau de la cité. Donc Aka avait ses spécificités qu'il avait inventées. On avait inventé sous lui un style de façon pour lire l'heure. D'accord? Et avec cette heure-là, il y a un miracle. Supposons qu'on met l'heure comme ça. Vous allez le voir ici, selon la direction du soleil, vous voyez qu'il y a l'ombre ici et ici. Vous voyez, n'est-ce pas? Ok, maintenant, si c'est ici, on sait qu'il c'est telle heure. Et donc, le prophète vient dire que voici, ainsi par le Seigneur, je vais faire reculer cette ombre-ci des degrés. C'est-à-dire que s'il était 10 heures, il va faire reculer le temps à 9 heures. Il faut que ce soit Dieu qui fasse cela. Et pour que cette loi-là soit appliquée, il faut que tout l'univers en soit impacté. Comprenez cela? Avant d'arriver de Josué. Vous avez moi là, non? Josué chapitre 10. Joshua. Vous êtes en Josué chapitre 10. Verset 10 et suivant. Allez, regardez. Ça, c'est le combat où Josué était dans le combat et puis il se faisait déjà tard, il fallait finir avec les ennemis. Il y a des choses sur la terre, cela, on ne peut pas comprendre. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les bâtit jusqu'à Azeka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente des Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres. Quand il dit souvent, vous voyez, il reste tranquille. Est-ce que vous savez qu'il y a les pierres en haut là-bas? Il y a des gens qui bougent la tête, ne comprennent pas, mais c'est dans la Bible. J'ai dit comme ça, il reste tranquille pour voir si quelqu'un a regardé dans la Bible pour voir qu'il y a les pierres en haut. Les grosses pierres, normalement, on dit que les pierres se solidifient ici par la suite du magma, que ça sort des montagnes. Alors, je veux qu'on m'explique comment les pierres se trouvent plutôt en haut là-bas. Tu comprends un peu ce que je veux dire, n'est-ce pas? Je veux dire que la science ne dit pas toute la vérité. Ils essayent au mieux de leur connaissance de toucher ce qu'elle parle tout autour de nous pour donner leur explication. Mais ici, on dit que la pierre sort d'en haut. C'est comme les météorites, quoi. Les météorites, oui. Regardez bien, il dit. C'est terrible. Ceux qui. Et les météorites, encore pour que les phénomènes de météorites tombent, il faut encore d'autres explications scientifiques. Mais on dit que c'est Dieu qui a fait lancer ça ici. Il dit l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah. Et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Donc Dieu était au sort. Quand tu fuis, on dit pam, pam, pam, tu vas te cacher quelque part. Dieu est comme ça, que Michael n'est pas là-bas. Là, bam, sur toi, ça t'étape, tu meurs. On dit, les gens qui ont été tués par la pierre étaient plus nombreux que ceux que les enfants d'Israël ont tués. On avance. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel lit. Nous sommes là au verset 12, non, chapitre 10, 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Je vais vous trouver le livre du juste. C'est encore une autre paire de manches ici, mais un des que je vais parler de ce livre, c'est de son contenu. Ce n'est pas sur Google. Ce n'est pas dans les anciennes décombres d'Israël. Ça ne se trouve pas là-bas. On dit que c'est écrit dans le livre du juste. Pas dans le livre des justes, le livre du juste. Que cet événement, si c'est écrit dans le livre du juste. Maintenant, on arrive. Alors ici, on dit, Josué, on dit, quand ils sont en train de combattre, il s'est fait, s'ils continuent à lutter comme ça, la nuit devait tomber. Ça fait des temps que le combat devait être ajourné. Il s'est tourné, il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, suspends sa course. La lune et le soleil ont suspendu leur course. Je veux que vous mesurez ce qu'il en est. Donc, tout l'univers, toute la galaxie, tout l'univers était attentif au combat qui s'est passé en Israël. Et maintenant, si la lune a suspendu sa course, le soleil s'est arrêté, ça suppose donc qu'il y a eu retard dans la course du soleil. Et effectivement, les scientifiques ont découvert effectivement que le soleil a un retard. Mais ils essaient de trouver des formules pour pouvoir essayer d'expliquer cela. C'est la Bible qui donne l'explication. C'est parce que dans la course du soleil, un homme a demandé que ça soit suspendu. Quand il calcule avec les formules de texte de Kepler, il trouve qu'il y a un problème avec la course du soleil. Parce qu'on peut savoir exactement quelle sera la position du soleil à 200 ans, 2000 ans, avec cette formule-là, parce que c'est quelque chose de constant. On connaît que le rayon est constant, la révolution est constante, on peut connaître donc exactement à quel moment, quelle année il y aura par exemple l'éclipse du soleil. On calcule, on connaît. Et ce jour-là, il y a l'éclipse du soleil, donc les formules sont justes. Mais comment expliquer le retard? C'est la Bible qui donne l'explication. Un homme avait dit, soleil, suspend ta course. Ça a suspendu la course. Donc c'est tout l'univers qui avait été impacté par cela, n'est-ce pas? Ok, maintenant. Le vrai problème, c'est que celui-ci a suspendu la course du soleil. Et puis le prophète Esaïe en a suspendu. C'est la somme de ces deux suspensions qui donnent la suspension dont les scientifiques de la NASA ont trouvé. Quand tu prends seulement pour Josué, la suspension n'est pas. La durée n'est pas certaine, n'est pas totale. Quand tu prends avec pour Esaïe, on voit effectivement que la suspension, la durée, un jeu qui manque sur le. Quoi, sur le retard du soleil est effectivement la somme des deux là. Oh, comment? Quand on a ça, Isaïe chapitre 38, donc dans le temps, c'était le prophète de Dieu. On va relire dans le verset 1 jusqu'au verset 8, d'accord? Vous vous souvenez de Ézéchias, non? C'est le roi Ézéchias qui avait fait du bien et puis il était malade. Et puis là, Isaïe a été envoyé au-devant de lui. Ok. Et parce que quand le prophète parle ici d'Akazian, Akazian ne vit plus. Akazian, c'est un ancien roi dont il est remplacé avant Ézéchias. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur. et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main des rois d'Assyrie, et je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Vous voyez, donc lui donne le signe. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière, avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Donc Akaz avait fait construire les degrés par lesquels on dit degrés, ça veut dire 1 degré, 1 degré, 2, 3, 4, 10, jusqu'à 12 degrés. Avec ça, il commence à déterminer le soleil. C'est un peu comme nous montre un chiffre romain. Donc, quand c'est, imagine que c'est à 12 heures déjà. Tu reviens, Dieu dit qu'il va faire reculer le temps. Vous voyez cela? Je ferai reculer les 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu. Donc, parce qu'à cet instant-là, l'ombre est déjà descendue, il va faire reculer sur les degrés. D'accord. Le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Donc, il a fait rentrer les 10 degrés. Amen. Amen. Donc, aux environs de 12 heures d'état. Il a fait rentrer le soleil de 12 heures d'état. C'est le degré. Okay. Quand il fait ça, il dit que voici le signe pour toi pour montrer que je vais te délivrer. Toi, et de cette nation. Mais pourquoi Dieu fait cette chose? Dieu n'a pas besoin de faire que tout l'univers tremble seulement pour faire un signe pour un homme pour montrer qu'il va faire cela. Qu'est-ce que Dieu a envie de faire? Celui qui dit et la chose s'accomplit. Celui qui ordonne et tout l'univers est soumis à sa loi comme le livre des gens que je fais de 37 le dit. Oui, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. On continue. Question. Si. C'est fini les questions. Le frère Junior. Oui. Bon, ma question c'est celle-là. Oui. Si le frère Junior qui a le Saint-Esprit meurt. Oui. Où son Saint-Esprit part? L'Esprit retourne à Dieu. Où part le Saint-Esprit? Donc ça c'est ma question que je posais quelque part. Tu essaies de me flatter. Oui, le frère, je te ramène la question. En réalité, voici le problème. Ce qu'on ne comprenait pas, c'est que en fait, la personne qui a le Saint-Esprit ne meurt plus. C'est ça le vrai problème. Le Saint-Esprit n'est pas sorti. C'est la Bible qui dit ça. Donc le Saint-Esprit ne sort pas quelque part pour aller quelque part parce qu'il ne meurt pas. Parce que le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. La personne ne meurt plus. Le corps physique de la personne périt maintenant, son corps ou le Saint-Esprit se fait maintenant, c'est ça qui sort. 2 Corinthiens. Vous savez, la Bible dit tellement de choses. Je pose des questions pour poursuivre les gens, pour savoir si les gens lisent la Bible ou ne lisent pas. Parce que Jésus a dit que celui qui croit ne verra jamais la mort. Mais la Bible dit que celui qui croit ne verra jamais la mort, non? Je lui donne la vie éternelle, il ne périra jamais. Il a dit ça, la vie éternelle qu'il donne. Le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient en toi, s'établit, il a le royaume dans ton corps. Comment tu vas encore périr? Oh, tu peux venir. 2 Corinthiens, chapitre 5, ma fille. Quand on va finir dans 2 Corinthiens 5, là, on va dans 1 Corinthiens 15 cette fois-ci. Regardez. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 1, regardez. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, la tente dont tu as parlé, c'est quoi là? Montre-moi ta tente, moi. Voilà, c'est ça. Voilà la tente, n'est-ce pas? Nous savons. Et il s'est dit, c'est Dieu. Et il savait cela. Il ne comprend pas comment les chrétiens de Dieu ne parlent pas à savoir. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons est détruite, donc ça peut être détruite par l'accident, par n'importe quoi, regardez. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été faite de main d'homme. Vous y êtes? Aussi, nous gémissons dans cette tente. Ah, maintenant, c'est que ça pose problème ici. Il dit, nous, je me sens dans cette tente. Quand je parle, c'est toi qui as fait tes choses, toi le frère Junior, c'est pas moi. Parce qu'en réalité, c'est pas moi ici. Il dit, nous, je me sens dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Quand tu es enfermé à l'intérieur par le Saint-Esprit, tout ce que tu veux, c'est quitter ce corps. Quand celui qui quitte le corps, sont des brûlures, tu dis, ah, on a brûlé le Saint-Esprit à l'intérieur. J'ai dit ça chaque fois. Que souvenez-vous, quand on frappait la porte de Pierre, quand il pleurait, le Saint-Esprit lui ne pleurait pas parce qu'il ne subit pas cela. Il dit, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. De quoi est-ce qu'il parle ici? Ouais, cela. Si du moins nous sommes trouvés vêtus, les œuvres justes de Saint. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. C'est pas possible que quelqu'un qui a le Saint-Esprit meure. C'est plus possible. C'est comme vous quittez la chambre pour aller dans un cas au salon. Vous quittez tout simplement d'un endroit à un autre. L'apôtre Paul dit ici, il dit, je désire quitter cette tente ici pour aller auprès du Seigneur. Ouais, donc, dès qu'il quitte ici, il est auprès du Seigneur. Il y a des chrétiens sur YouTube, je plains le sort des gens qui enseignent. Et l'autre dit que non, quand le chrétien même maintenant, il ne va pas au ciel, on ne va pas encore au ciel. Il ne connaît même pas ce que la Bible appelle ciel. Il ne connaît pas parce qu'il croit que quand on meurt, on reste couché dans la tombe. C'est-à-dire qu'on est couché dans la tombe, tu pourris. Quand tu pourris, la partie qu'on appelait âme tout à l'heure, là, nous avons vu en première question, là, ça se trouve où? Parce que l'âme n'est pas charnelle. Ça se trouve où? La partie donc qui est la partie de l'homme intérieur qui veut obéir à la parole de Dieu, qui est esprit. Ça se trouve dans la tombe. Ils disent que non, le ciel, non, on ne va pas encore au ciel. Parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend ni les écritures, ni ce que la Bible appelle par ciel. L'âme. L'âme d'abord, c'est comment? Vous savez, quand les gens n'ont pas des expériences, même d'ordre spirituel, ils ne peuvent pas comprendre ces choses. J'ai vu ma tante mourir, couchée, je l'ai vue debout. La partie ici qui est couchée, où les gens sont pleurés, qu'ils voient de leurs yeux physiques, ils vont aller mettre ça où? Dans la tombe. Cette crie qui est debout là, que l'autre œil, si l'œil physique ne voit pas, mais que je suis en train de regarder, si la voit debout, lui, elle-même debout en train de voir ce corps physique là. Celle-là, elle va où? Il faut que les gens lisent la Bible. Lisons d'abord 1 Corinthiens 15 et puis on revient là-dessus pour qu'on voit cela. 1 Corinthiens chapitre 15. Que Dieu vous bénisse pour ces merveilleuses questions. On y va. À partir du verset 35 de 1 Corinthiens 15. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Ah mon Dieu! Comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé! Oh mon Dieu! Il dit, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Vous y êtes? Maintenant, regardez comment ça sera amusant. C'est tellement simple. Dieu a provisé ces choses-ci même avec les semences, tout simplement. Regardez. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. Prenez le maïs. Je veux que chacun tienne un grain de maïs entre ses mains par la foi. Vous tenez cela, n'est-ce pas? Quand vous tenez ce grain de maïs, vous observez ce grain de maïs, vous observez le grain de maïs, n'est-ce pas? Vous regardez le grain de maïs, vous voyez que c'est le maïs. Mais vous mettez dans la terre. Quand vous mettez la terre, vous enterrez la terre. Ce grain de maïs pourrit. Quand ce grain de maïs pourrit, et là, maintenant, ça, on dit qu'il y a germination. Quand ça germe maintenant, un petit bourgeon sort de là-bas, ça commence à être verdâtre. Puis quand ça commence à pousser. Vous creusez en bas, vous ne voyez plus le maïs, vous avez mis, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? La graine de maïs que vous avez mis à terre est mort. Mais regardez, souvenez-vous de la graine de maïs que vous avez en tête. Vous voyez, n'est-ce pas? Souvenez-vous, si vous avez arrêté pour mettre dans la terre. Vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Vous voyez encore ça, n'est-ce pas? À la moisson, qu'est-ce que vous observez? C'est grain de maïs. C'est ça se retrouve à l'intérieur des épis. Mais grain de maïs identique, mais pas la même que vous avez mis à terre. Ainsi, la Bible veut nous expliquer que comme vous me voyez, quand vous me verrez ces jours-là, je serai toujours comme ça, mais pas avec le corps-ci. Il n'y aura pas de traces, pas les boutons que les moustiques ont piqués, pas des anomalies, des choses qui ont gonflé sur ma joue, quoi que ce soit, pas des cicatrices. Même chose. Parce que la partie qui a été engloutie par la vie est ressortie maintenant, de façon glorieuse. C'est pour ça que vous voyez le maïs que vous mettez en terre est sec. C'est sec, dur. Quand vous ouvrez, vous voyez comment c'est fraîche avec une nouvelle vie. Waouh! Vous dites, j'aime le maïs frais parce que là, c'est pas dur. Parce que le maïs qui est dur, là, si on te donne le manger, tu vas voir comment les muscles vont sortir sur la tête là. N'est-ce pas? Mais ce qui sort, quand vous enlevez les épis, vous savez, la partie là, vous enlevez cela, vous voyez comment c'est fraîche. Bien, vous pouvez appuyer avec votre doigt et puis... Ça éclate. Mais pourtant, ce n'est pas ça que vous avez semé. Vous avez semé ce qui est dur, n'est-ce pas? Regardez ici. Verset 27, verset 37. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. D'abord, Paul prend la plume et puis ça, il n'a pas fait la science. Il n'a pas regardé la nature pour faire le constat. Non. Le Saint-Esprit lui montre tout simplement que ces choses-là dans la nature étaient des préfigurations. Vous voyez? Il dit, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence comme maïs. Et puis, écoutez, Dieu donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Donc, tu sèmes le grain de maïs. Le grain qui va sortir dans les épis, ce n'est pas le même grain que tu as sémé. C'est seulement un type pour montrer que tel il est, tel il sera. Vous voyez? Donc, ne pense pas que, comme tu es né, comme nous sommes noirs ici, quand on va sortir dans la gloire, on sera brun. Jamais. Tel que tu es ici, c'est exactement comme tu seras. Si tu es noir sur la terre maintenant, quand tu vas ressusciter dans le corps bleu, tu seras noir de la même façon. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous dites, ma soeur, tu y es? Bon, quand même, continuons. Verset 39. Toute chair n'est pas la même chair. Parce qu'il y a la chair du porc, la chair de la vache, l'autre chair. Il dit, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Donc, c'est la Dieu, la chair. Or, ces chairs-là ont des natures différentes. Il y a aussi des corps, oh mon Dieu. Il dit qu'il y a un mot, je vais parler de ces choses-ci, des livres de juste et de ces choses-ci. Il y a, j'espère que le temps nous permettra, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Vous entendez ça? Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Vous voyez ce qu'il vient de dire seulement comme révélation là-dedans? Vous voyez, n'est-ce pas? Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Mettez le doigt ici, allons dans le livre de Daniel. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Abondamment. Daniel, chapitre 12. Daniel, après le livre d'Ézéchiel. On y va. Daniel, chapitre 12. Daniel, chapitre 12. We are going to read from verse 1 to 4. Donc verset 1 à 4. Daniel chapitre 12, verset 1 à 4. Regardez. En ce temps-là, se lèvera. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Nous sommes d'accord? Oui. Se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc les étoiles même sont là pour les prophéties de la résurrection. Vous entendez cela? Ici il dit que même les étoiles diffèrent des uns des autres de leur clarté. J'aime la parole du Seigneur. Frère, ceux qui seront. Ceux qui auront été intelligents. Oui. L'intelligence ici à quoi? L'intelligence nous donne de nous éloigner du mal, du péché. Puisque la Bible déclare que les mauvais avanceront toujours dans l'impiété. Ceux qui auront été sages vont comprendre que à ce temps-ci, comme ça, il faut chercher Dieu. Donc, l'intelligence, ce n'est pas celui qui est intelligent, mais il a le doctorat en philosophie, jamais. C'est pas ce qu'il veut dire. Ça veut dire ici que quelqu'un comprend que si on voit les événements arriver ainsi, c'était prophétisé. Il faut que je me range. Vous voyez cela? Okay. Dans le verset 1 Corinthiens 15, rentrons-y. que Dieu vous bénisse. Alors on voit effectivement qu'à la résurrection, il y a des récompenses qui seront différentes des récompenses. Oui. Il y a des gens qui vont briller différemment. Oui, oui. Ok. On voit la brillance, mon frère. Mm-hmm. Verset 42. C'est pour ça que voyant ces choses, là, on peut prêcher vrai, vivre vrai, dire aux gens ce qu'il faut faire. Même si on souffre, on ne peut voir en conséquence. Même si on souffre en retour de la vérité qu'on a de dire. Dis la vérité, sachant ce qu'il y en a comme récompense. Il n'y a pas grand chose sur cette terre-ci à désirer. Verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Donc quand quelqu'un va sortir du tombeau, aucun handicapé ne sera présent. Aucun. Aucun handicapé. Aucune personne, si le doigt était coupé, aucun doigt ne sera coupé. S'il y avait des anomalies sur le corps, aucun anomalie. Il dit qu'il est semé, quoi? Corruptible, mais il ressuscite quoi? Incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infime, il ressuscite plein de fois. Vous voyez, je crois que c'est 43. Il est semé, verset 44. Écoutez très rapidement, c'est là maintenant, ça chute là maintenant. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. C'est ça qui est compliqué avec les hommes de ce siècle-ci. C'est donc pour cela que ce corps ne peut pas tomber malade. Ce corps ne peut pas désirer des rapports sexuels. C'est pour cela que c'est un corps spirituel. Et si ça c'est la chair, ça leur dit que je vais te voir au ciel, vous allez me voir. On sera exactement comme ça, mais ce n'est plus la même nature. C'est ce que l'apôtre Paul essaie d'expliquer ici. Vous voyez? Il dit qu'il est semé corps animal. Donc en mourant, on meurt comme ça avec un corps animal. Le problème, c'est que notre chair différencie des corps des animaux et autres là-bas. On ne peut pas, on peut manger de la même façon. Mais cet autre corps-là, ce n'est pas comme ça. Mais le problème, c'est que c'est la même texture, même forme, même ressemblance. Comprenez, n'est-ce pas? C'est un peu comme la maquette, comme la personne qui construit une société, bien un aéroport. On fait d'abord la maquette. C'est cela, on dépose sur la table. Vous voyez la maquette comme ça, vous maquette. La maquette est faite peut-être en métaux provisoire ou bien en plastique ou n'importe quoi. Puis on voit la chose réelle. Quand tu vois la maquette, tu dis l'entrée ici c'est où, on dit voilà l'entrée. Tu vois ça ici et ça là-bas en réalité. Mais ce n'est pas la même chose, d'accord? Mais c'est la maquette. Vous voyez ça? Oui. Te souviens-toi, tu as posé la question où est-ce que l'âme va? On arrive. Mais je reviens sur l'intelligence. Oui. Par rapport aux délivrances qu'on a suivies, oui. On a entendu les démons parler de l'intelligence des enfants du Seigneur et tout. Et convoiter cette intelligence, les attaquer et distribuer même cette intelligence aux autres. Oui. Est-ce que là, c'est pas dit que les enfants prédestinés, les enfants du Seigneur Jésus même, ils ne sont pas nés intelligents. Non, il n'y a pas plus intelligent que les enfants du Seigneur. Il n'y en a pas plus intelligent parce que l'Esprit de Dieu, quand tu as l'Esprit de Dieu même en toi, tu as l'Esprit même de celui qui a créé l'univers. 1 Corinthiens chapitre 2. Le vrai problème, c'est la corruption de cette intelligence-là et l'orientation de cela. Tu vois, prenons le cas de Moïse, nous avons lu tout à l'heure dans Hébreux chapitre 11. Dans Hébreux chapitre 11, nous voyons effectivement que Moïse a préféré, on dit clairement qu'il a préféré, regardez très attentivement, de souffrir avec le peuple de Dieu, être maltraité avec le peuple de Dieu, que d'accepter la jouissance de ce péché-là. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Or, quand on regarde très attentivement sur le rapport des moyens, on va voir effectivement que le peuple juif, ils sont dans la misère et autres. La question maintenant, c'est l'intelligent dit quoi? Quelle est la suite de cette misère-là? Quelle est la conséquence? Ou bien, après l'après-misère, qu'est-ce que ça conduit? Et ici, la jouissance de l'Égypte. Ils sont bien. Pharaon marche avec les gardes du corps. On lui donne la nourriture. Quelle est la suite de cela? Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est qui au finish? 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 6 et suivant. Regardez. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Cette sagesse qu'on prêche, c'est parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Ah mon Dieu. Ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Donc ça veut dire que ce qu'on prêche là, n'allez pas chercher ça dans une autre école aussi. L'école humaine ne peut pas enseigner cela. C'est ce verset, ça devait suffire que les gens ferment les écoles bibliques. Nous prêchons la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, on n'apprend pas ça quelque part. Parce que ça, Dieu n'a pas dit à Salomon, quand Salomon a demandé que donne-moi de conduire ce peuple, il n'a pas dit que va vers les grands sages qui étaient en Israël avant toi pour qu'ils t'apprennent comment juger. Parce que quand lui jugeait, les gens, les sages là étaient étonnés. La Bible déclare que quand tu aimes le Seigneur, tu le chéris, tu le prends pour appui, la sagesse vient dans ton cœur. La sagesse ne s'apprend pas parce que la sagesse c'est un être. Nous nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, écoutez bien, Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire. Donc même, nous pour avoir la sagesse là, c'est la prédestination. Si tu n'es pas destiné que tu es parmi, oublie. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Vous voyez effectivement que si on est confronté du domaine physique, on ne peut pas percevoir cela. Ni l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ça veut dire que c'est qu'un homme ne peut pas penser ces choses. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous avez vu cela? Il a préparé de façon expressionnée ses prédestinés. Oui, oui, oui. Puis il dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Vous voyez? Donc ces choses-ci, dit que les gens intelligents, si c'est pour l'intelligence sur le plan humain, l'intelligence grotesque là, quand l'Esprit de Dieu, remarquons, quand Dieu devait faire réaliser l'arche de l'alliance avec les autres ustensiles, il a dû mettre l'Esprit sur quelqu'un pour qu'il puisse réaliser cela. Il dit, j'ai mis mon esprit en lui pour qu'il sache faire tout ce genre d'ouvrage là. Et quand il a fait tout, quand Moïse a vu, il a vu que c'est la même chose qu'il avait vu en vision. Il dit, yes. Ah. Puis il dit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et donc maintenant, quand tu as cet esprit en toi, comment tu ne seras pas sage? Comment? Puis il dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? C'est sur l'esprit de l'homme donc que Satan se base donc pour donner les découvertes scientifiques aux êtres humains sur la terre. Puis ici, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc aller apprendre les choses de Dieu dans une école est une bêtise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tronquer l'école à l'esprit. Faut, au lieu d'aller chercher 4 ans d'études doctorat sur la philosophie pour avoir connu les choses de Dieu, il faut passer 4 ans dans le jeûne et la prière pour l'avoir. Vous voyez donc, il faut passer le temps devant le Seigneur pour avoir l'esprit. Quand tu as l'esprit de Dieu, si tu viens de naître de nouveau, que tu as l'esprit de Dieu en toi, tu dépasses tout le docteur réuni de la terre. Remarque combien Jésus à 12 ans dans le temple, il était réuni devant qui? Devant le docteur, non? Les gars tout en bas me disent, mais qu'est-ce que cet enfant nous embrouille? Il nous embrouille ici. Parce que c'est autre dimension. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous recevons cet esprit, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Sans avoir reçu l'esprit de Dieu, tu montes les gens, tu ne peux pas connaître ce que Dieu a reçu pour toi, parce que c'est l'esprit de Dieu qui peut donner. D'où la nécessité du baptême du Saint-Esprit. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Donc, comme Jacques le dit, il y a deux styles de sagesse. La sagesse d'en haut et la sagesse du monde, qui est diabolique, n'est-ce pas? Il dit, nous en parlons, verset 13, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelle. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même pas, ne lui-même juge pas personne. Car il a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Vous voyez, donc la pensée de Christ ne peut pas résider dans l'intelligence humaine. Ça ne peut pas résider dans le cerveau humain. Ça ne peut pas s'acheter dans l'école biblique. Jamais. Le Saint-Esprit te donne la pensée de Christ. Alors quelqu'un peut te poser le problème concernant un mariage. Tu lui dis ce que Dieu veut dans ce mariage. Parce que la pensée de Christ est déposée en toi. C'est-à-dire que si Dieu enverrait un ange venir se positionner là-bas, c'est la même chose qu'il dirait, ce que tu as de sortir de ta bouche. N'a-t-il pas dit, lorsqu'on va vous interroger sur quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, c'est le Saint-Esprit qui parlera au travers de vous. C'est une grâce que Dieu marche en nous. On continue. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Nous passons un bon moment à Abidjan, n'est-ce pas? Et merci pour le climat que le Seigneur nous a donné là. Quoi qu'il pleuve dans l'autre bout de la ville. Verset 9 est suivant, regardez. Quand il ouvrit le cinquième sceau, il y a encore une autre chose dont les gens disent que l'âme est immortelle. Que l'âme est immortelle. D'autres personnes disent que l'âme c'est le corps-ci, que l'âme c'est l'air. Bon. Dans la Bible, parle de faire périr l'âme. Périr l'âme. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. La Bible nous parle de deux choses ici. Donc, il se trouve dans une autre dimension. Quand on ouvre le sceau, il voit sous l'autel. On dit les âmes de ceux qui avaient été décapités. Donc, ça suppose que cette personne-ci, sur le plan physique, se trouvait dans la tombe, ou bien on était brûlé, ou bien n'importe comment, ou on a jeté leur tueur en partie au lion. Mais on dit qu'on les a décapités, coupés leur tête. Écoutez très attentivement. Écoutons encore très attentivement ce que la Bible dit. Donc, on ouvre ici, le voile s'ouvre. Quand il regarde, il voit sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été décapités. Donc, ceux qui ont été décapités, leurs âmes se trouvent là-bas. On a coupé le corps ici. On a jeté par exemple au lion. Maintenant, on a jeté le reste à l'éléphant. Jeté dans la mer. Fait n'importe quoi de cela. Lorsqu'on coupe ta tête physique, ton corps spirituel ne peut pas être coupé. N'est-ce pas? Maintenant, regardons ce que les âmes vont dire. Regardez verset 10. Ils criaient. On dit c'est selon les âmes de ceux qui avaient été décapités. Ils criaient d'une voix forte en disant. Arrêtons d'abord là-bas. Donc, là-bas, leur tête n'était pas coupée. N'est-ce pas? Donc, si on te coupe sur la terre, même si on fait n'importe quoi avec ton corps sur la terre, ça ne change rien de ton être qu'à l'intérieur. C'est ça qui est glorieux. Vous voyez? Et ça rejoint ce que nous venons de dire dans Marc, je peux te dire dans 1 Corinthiens 15, qu'il est sémé, méprisable, il ressuscite glorieux. Donc, ça veut dire que quand on coupe ta main sur la terre, ça ne peut pas couper ta main de l'autre côté. Parce que la main là n'est pas de cette dimension-ci. Ça pose un problème. Si ton âme est à l'intérieur maintenant, et que ton âme a le même. Je vous ai dit tout à l'heure, que l'âme est plus grande que ce corps-ci. Vous voyez, n'est-ce pas? Si normalement l'âme avait la même taille, même corps, ce qui fait que la main de ton âme est dans ta main-ci, la tête de ton âme est dans la tête-ci, on coupe comme ça, on est censé couper ton âme à l'intérieur. Comment se fait-il que la tête-ci, les têtes des gens-ci, qu'on a coupé, leur âme ont toujours les têtes? Comment? Elle va au grâce là. Elle va pisser. La piscine, tu reviens. Alors, regardez, je ne sais pas si vous comprenez. On a coupé la tête des gens sur la terre. Et l'âme est censée être dans ce corps-ci. On coupe la tête. Il y a encore la tête là-bas. Et on dit, ils criaient d'une voix forte. Donc, ils ont la voix. Vous voyez, ils ont la bouche. Même chose. Il dit, il criait d'une voix forte jusqu'à quand, Maître Saint et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang, sur les habitants de la terre. Donc ils sont conscients qu'on a versé leur sang. Donc ce corps-là n'a plus de sang. Le sang coule dans cette veine-ci, de le corps physique. Là-bas, il n'y a pas ça. Là, regardez, on avance là. Une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos. Donc, sous l'autel était le repos. Oh, remarquons, on a des faits comme ça, alors que le corps physique est mort sur la terre. Et pendant qu'ils sont en train de crier comme ça, quand Jean voit dans cette dimension-là, les êtres humains sont encore sur la terre. Les êtres humains sont sur la terre. Et il en va dans une autre dimension. Ceux-là sont allés demander vengeance sur les gens qui sont sur la terre. Donc, ils ont peut-être les sépultures là-bas. Peut-être on parle des victimes de la Shoah. Peut-être la chambre noire qu'il avait fait pour boire les gens. On fait ça sur la terre. On demande vengeance. On fait des monuments pour la guerre sur la terre. Ainsi de suite. Mais de l'autre côté, une autre chose se passe. Une autre réalité en train de se passer. Et là, ils demandent vengeance sur les habitants de la terre. Donc, en même temps, ils sont de ce côté, ils sont en train de parler. En même temps, il y a les habitants sur la terre. On y va? On dit que si ils se tiennent en repos, donc là où ils se trouvent, ce n'est pas sur la terre. Nous sommes d'accord. Mais le problème, c'est qu'on les a enterrés sous la terre, ou on les a enfuis sous la terre, ou on les a mangés sous la terre. Vous y êtes? Alors la question c'est, vas-y, vas-y, il n'y a pas de problème. Dans ce cas, où se trouve l'endroit si on appelle sous l'autel? Ça se trouve où? Au ciel. Ok. Maintenant, qu'est-ce dit donc quand les chrétiens disent que quand certaines personnes disent maintenant que sur YouTube, que le ciel, on ne va pas encore au ciel? Ceci se trouve comment là-bas? De la terre. Je pose une question. Quand vous parlez de résurrection, écoutez très attentivement. Quand dit la résurrection, quand Christ va crier là, sortez avec cette voix de trompette là, les gens vont sortir de la tombe. Les gens vont sortir de la tombe. Bon, c'est écrit, voilà. Oui, ressusciteront comme ça, ils sortiront tous. Tu veux très rapidement la question. Les gens meurent normalement. Il y a des zones qu'on appelle les cimetières. Juste si on veut toucher quelque chose, il y a des choses qu'il faut corriger. Il y a les cimetières, la zone sur cette valeur cimetière. On dit, quand il y aura, quand la mort va crier, boum, les tombeaux vont s'ouvrir, n'est-ce pas? Et ceux qui ont été mangés plutôt dans les lions, ils ne resteront pas. Il dit qu'il y a les chrétiens sur la terre qu'on a découpés. D'autres qu'on a mis dans les acides, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. D'autres qu'on a gênés, on a vu clairement sur Alexandre Sévère et les autres là-bas, on a donné les gens en partie aux lions. Les lions nous ont mangé, non? Leur corps se trouve où? Sous l'autel. Donc la question c'est, quand ils vont ressusciter, comment ils vont sortir? Ils vont sortir comment? Le ventre des lions vont se rouvrir. Les corps vont ressusciter incorruptibles. Oui, mais ça va sortir d'où pour venir? Et ceux dont on brûle, il y a des chrétiens en Asie, en Sud, on les brûle. Ceux dont on les brûle là. Il y a des autres qu'on les enferme quelque part, qu'on les fait disparaître, on veste l'acide. La question c'est, comment ils vont sortir? On ne va pas avec le corps physique. Oui, mais le problème, c'est qu'on nous dit, les gens disent maintenant que les gens sont dans la tombe. Quand les gens meurent, les chrétiens qui meurent sont dans la tombe. Et les chrétiens qui ne meurent pas, qu'on ne les enterre pas, ils sont où? Ceux qui vont être enlevés. Oui, que ce soit ceux qui ont enlevé la résurrection, même ceux qui ne sont pas enlevés pour l'enlèvement, parce que tous seront ressuscités. Il y a des êtres humains qui sont sur la terre, on dit que si je meurs, brûler mon corps. Parce que comme les Asiatiques et autres là-bas, la majorité d'entre eux brûlent, ils mettent dans les bocals, ils versent dans la cendre, ils versent dans la mer. Ils vont ressusciter, ils vont sortir d'où? Les atomes et les cendres vont se reconstituer. Avez-vous déjà pensé à cela? Est-ce que le corps Chanel va aller au ciel? Alors, nous regardons, rentrons dans 1 Corinthiens 15. Que Dieu vous bénisse. Allez. Ouf. Verset 50 et suivant de 1 Corinthiens 15. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Ça pose un problème. Supposons que l'enlèvement a lieu maintenant. Nous sommes vivants, nous sommes causés. C'est l'enlèvement. Il y a eu cette transmutation. Que deviendra ce dit? Ça va rester sur la terre. Donc on pourra voir mon cadavre déposé quelque part. Oui. Hein? Non. Non, ça va disparaître. Et regardez, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas. Parce qu'en fait, vous montez, vous descendez, tous les êtres humains ne mourront pas. Oui. Il y a des gens qui ne vont pas passer par la mort. Et ceux-là se désignaient déjà. Vous ne pouvez pas faire autrement que, ouais, j'attends que la raison vienne là-bas. Il faut qu'ils prient pour que le cadre va venir. Non, c'est pas. Il y a des groupes qui. Mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Suivez bien la question que je vous ai posée. Voici deux chrétiens. Voici. Je prends deux chrétiens. Voici un chrétien. Celui-ci est déjà mort avant que, Christ, avant que l'enlèvement ne vienne. Je le mets là. Celui-ci est encore vivant, il vient de marcher. On dit, nous ne mourrons pas tous. Celui-ci, il a expérimenté la mort. Celui-ci n'a pas expérimenté la mort. Quand la résurrection vient, l'enlèvement vient, on est changé. Celui-ci change. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il est englouti. À cet instant-là, il disparaît tout simplement. Tu ne verras plus jamais cette chaise nulle part. D'accord? Allons dans le ralenti. Vous vous souvenez de la semence qu'on a mise tout à l'heure. Lorsque vous mettez en terre, quand ça pourrit, vous allez là-bas pour que vous ne verrez plus cette chair-là. Mais si on allait rapidement, si on allait rapidement, on faisait aller fast forward. Comment on fait fast forward? On met la tête et on fait fou. Vous allez voir que vous voyez le maïs tout à un moment en haut. Dieu a ralenti cela dans le processus. Vous voyez, si on fait le ralenti, vous allez voir comment ça va faire. Doucement, doucement. Ça grandit. Vous voyez maintenant le maïs. Mais le problème, c'est qu'avec la ressource, ça va se passer en quelques secondes. Fou, tout ce processus de on met le maïs en terre, ça pourrit, ça grandit. Ça se passe en quelques secondes. Fou, ça se change. Dans l'autre corps humain, et puis c'est un aussi. La question que je dois les poser, c'est par rapport à ceci. Il y a des gens qui vont mourir sur le lit de but, on va les mettre dans la terre. On sait au moins que si on part dans la terre, à tel endroit, on verra qu'il était là-bas. Mais prenons quelqu'un qui était chrétien, qui a bavardé à la radio, puis on est venu le prendre. Allez quelque part, tu déranges. On le jette là où il y a le côté, le mange. Un dieu, tel a mangé les yeux, mangé la tête et haut là-bas, d'un côté là-bas. Quand celui-ci là, quand il a résolu ça, il sort. Voilà, c'est écrit que mon frère, oui. Les morts ressusciteront incorruptibles. Donc ils ont déjà revêtu le corps. C'est ça que je vais poser comme question. Ils ressuscitent. Quand ils ressuscitent, c'est pour qu'ils réveillent. Dans le dernier, on a vu que ceux qui dorment dans la poussière, donc on les a enterrés dans la poussière. Selon que les crocodiles ont mangé, les lions là, ils vont sortir. C'est eux qui sont sous l'autel là. Non, oui, ça c'est le corps, ça c'est la lame. Ah, ils vont ressusciter différemment des autres. Ils ont été enterrés et ceux qui ont été enlevés. C'est donc pour cela que vous avez dit que la mort est un passage. Ça ne dépend pas de la façon dont tu meurs. Si on te met dans l'acide, ça ne change rien. Parce que ton vrai toi n'est pas détruit par l'acide. Si on te mange par le lion, ton vrai toi n'est pas mangeable par le lion. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Apocalypse chapitre 20. Que le Seigneur vous bénisse. Apocalypse, chapitre 20. Puis je vis un grand trône, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts. Et c'était le rendement de mort. J'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenait devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Vous voyez? La mer, écoutez, la mer rendit les morts qui étaient en elle. Vous avez souligné? Je pose la question, on entend les gens dans la mer. Les gens qui sont noyés. Hein? Donc quand ils sont noyés, là, ils restent dans la mer. Il y a une vie dans la mer. Plus hein? Réelle qu'Abidjan. On parle du règne des côtes là. Que Coco dit là. Coco, comment comprendre que le prêtre camerounais là, il puisse écrire qu'il est dans l'eau? C'est pas lui qui a écrit, ce sont les gens qui ont écrit pour lui. Ah d'accord. Donc, il est dans l'eau, il est ressorti, son corps est sorti, non? Mais regarde ici, on dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. On entend les gens dans la mer. Oui. Tu te rappelles le livre que un monsieur a écrit, Lusungi, va à Bethel. Oui. Il a dit que il était sataniste. Oui. Donc ils étaient partis rencontrer la reine des côtes. Oui. Et quand ils sont partis, là-bas il y avait une vie plus belle même qu'ici. Mais frère, ma soeur, tu es informé de. Donc, ils essayaient de le retenir là-bas, les femmes là, essayaient de le retenir là-bas. Donc, Si tu restes là-bas, tu n'as plus de vie sur cette terre. Tu peux investir, tu peux choisir de vivre là-bas, voilà. Mais de revenir. Et puis lui, il a choisi de revenir. La Bible donne seulement des renseignements et des clés. Regarde par exemple, comment tu peux expliquer quand lors de la délivrance, on fait comme ça. Quelqu'un tombe. Comment? Pourtant, tu ne l'as pas touché. Allons dans le job là, je vous montre quelque chose. C'est un petit secret, c'est seulement un petit secret, personne ne va écouter, d'accord? Je vais seulement lire sans commenter. Personne ne pose question dessus, d'accord? Il dit que personne ne pose des questions. Chapitre 36 des gens. Il dit bien, personne ne pose de questions. Si on ne parle par rapport à. On fait comme ça là. La main, on a fait, on dirige, bam! La personne pose attendre, la personne tombe, bam! Il dit, qu'est-ce qui arrive? Comment? Regardez. Chapitre 36 des gens. Vous y êtes? Oui. Je veux qu'on lise tous ensemble le verset 32. 1, 2, 3, on y va. Verset 32. Vous y êtes, vous allez trouver. Verset 32, chapitre 36 des gens. 1, 2, 3. Il prend la lumière dans sa main. Il la dirige sur ses adversaires. Rentrons dans notre lapin, je peux te mettre un. Donc, ici, la Bible nous dit dans cette apocalypse, je peux te faire là. Il dit la mer rendit les morts qui étaient en elle. Donc, il y a des gens qui sont dans la mer. Mais on les appelle les morts. Ça se pose qu'ils ont quitté un état pour transiter là-bas. C'est pour ça qu'on les appelle morts. Pas qu'ils sont enterrés dans la mer, parce qu'il n'y a pas de cimetière dans la mer. Vous voyez? Ça veut dire qu'ils ont quitté cet état, c'est l'état réel de la vie sous le soleil. Ils sont allés de l'autre côté là-bas. Puis on dit, et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Il ne peut pas s'agir de Sheol ici, du tombeau. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Voilà. Et chacun fut jugé selon les œuvres. Ça ne sert à rien de fuir. On dit que même si tu fuis, que tu crois à la raison, tu ne crois pas, que tu as été satané ou ne crois pas, tous seront ressuscités. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps des feux. Nous voyons effectivement que le séjour des morts, ce qui va être le sépulcre. Parce qu'il y en a plusieurs sépulcres sur la terre. Et ici, on dit que le séjour des morts. Quand il s'agit de sépulcre, on parle des sépulcres. Alors, dans le livre de Jean, chapitre 5, là, rapidement. Jean, chapitre 5, rapidement. Vous avez vu ce qui est écrit dans Job, là? Ne dites à personne ça, d'accord? Papa, je veux comment? C'est lui-même qui dirige les frères. Jean chapitre 5. J'ai dit qu'on ne peut pas le commenter, mais si c'est pas le faire, on va faire le commenter. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. On y est? Verset 25. Vous y êtes? Jean chapitre 5, verset 25 et 26, regardez. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Vous avez vu? Mesdames, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi la il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Verset 27. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Donc, c'est pour dire que tous ceux qui sont morts là, vous avez entendu dans les sépulcres, ils vont sortir de toute façon. Vous voyez? Ceux qui auront fait le bien resteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal resteront pour le jugement. Donc ceux qui vont se tenir là-bas, c'est pourquoi on te donne, dit que pourquoi tu as fait tes choses, voici la sentence. Pourquoi tu as fait tes choses, voici la sentence. Parce qu'il écrit l'Apocalypse. Vous voyez que quelqu'un, tu vois, les gens posent la question, pourquoi tu fais le bien, pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu fais comme ça? Ils ne comprennent pas. L'âme est différente du corps. L'âme a sa propriété. L'âme, c'est la partie qui doit être revêtue, n'est-ce pas? L'âme, c'est la vraie partie de nous qui entre dans notre corps de l'autre côté. Ceci, c'est la carcasse qui nous donne d'être dans cette dimension. Avez-vous remarqué que le premier homme avait initialement l'autre corps, mais il a revêtu cet autre corps-ci pour nous symboliser. Et dans 1 Corinthiens 15, on dit que de même que nous avons revêtu le corps du premier homme, de même nous revêtons aussi le corps du second homme. Le premier homme est terrestre, le second est céleste. Vous voyez, de même que tous, même en Adam, tous réunis par Christ. Si nous avons revêtu le terrestre, nous avons aussi revêtu le céleste. Que Dieu vous bénisse. Oui. J'aimerais savoir, quand le Seigneur Jésus est mort à la croix, oui. Les mains transpercées, oui. Et quand il est revenu, pour que les disciples puissent voir, oui. Quand ils ont vu qu'ils n'ont pas, je sais pas, pas vu les traces et tout, elle dit que c'était l'autre corps qu'il avait. Et pourtant, il a rendu aussi palpable, oui. Par des êtres humains. Bonne question. Le problème maintenant, la complexité de ceci, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, 1 Corinthiens, c'est que ça dit tout. Non, pardon, 2 Corinthiens. Chapitre 5. Verset 16. Verset 16. Les frères de Yopou, comme on l'a dit, on enseigne du matin jusqu'au soir. Ils vont tenir. Ok. C'est chaud. Ils sont chauds. Vous avez dit, frère Junior, viens en Côte d'Ivoire, viens en Côte d'Ivoire, mais voici en Côte d'Ivoire. Verset 16. Qu'est-ce que ça dit, ma soeur? 2 Corinthiens 5. 16. Verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Chapitre 15, les 2 Corinthiens, 1 Corinthiens. Regardez ce que vous allez dire à l'esprit. Verset 3 à 5, ma soeur. Verset 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3 à 6. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Cephas, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Expliquez-moi comment, avec ce corps seul, il apparaît à 500 personnes à la fois. Vous voyez cela? C'est pour que on est ici à Makori. Les gens sont à Yopougon. D'autres sont en Chine. 500 personnes disponibles à des endroits différents. Pendant qu'il apparaît à toi ici, il est de l'autre côté. Il est de l'autre côté. Il est de l'autre côté. Comment? Et Luc chapitre 24 nous donne le renseignement qu'il y en avait deux qui partaient là-bas à Emmaüs. Il a marché avec, il a parlé jusqu'à. Ils ont fait des. Est-ce que vous allez marcher? Vous êtes deux, vous allez marcher pour aller quelque part. Quelqu'un vient vers vous, vous ne le regardez pas. Hein? Quelqu'un te dit bonsoir, tu dis bonsoir. Donc, quand vous marchez comme ça, vous dites comme ça. Quelqu'un dit bonsoir, tu dis bonsoir. Vous ne le regardez pas. Ils l'ont regardé, n'est-ce pas? Hein? La question c'est, ne l'ont-ils pas reconnu que ceci c'est celui, le maître qui était avec nous quand nous sommes sur la terre? Puisqu'il a passé du temps avec eux, ils ont vécu avec eux. Donc ça veut dire que même si dans l'obscurité, je peux regarder la démarche de mon frère Iba, il sait comment c'est le frère Iba. Même pas savoir, même si je dormais, si quelqu'un parle, les gens parlent dans la foule, je dis, il y a la voix du frère Iba là-dedans. Il a causé avec eux du début jusqu'à la table le soir. Ils n'ont pas su que c'était lui qui était là-bas. Comment? La porte est fermée, il apparaît au milieu d'eux avec ce corps. Là, il montre la main. N'est-ce pas? La main avec le sang à Thomas. Sur la route, là, il marchait, il avait les mains, il marchait avec les mains, il marchait avec les pieds. Ils n'ont pas vu la blessure. Il avait porté les gants là-bas. Et ma soeur, c'est que le Seigneur Jésus-Christ glorifié revêt la divinité dans sa puissance. Tu vois? Maintenant, sur la terre, il revêt la partie homme-Adam pour pouvoir détruire, pour pouvoir prendre la partie homme-Adam spirituel. Alors maintenant, quand il revient sur le plan spirituel, le corps spirituel n'a pas de limite. Le corps spirituel n'a pas de limite. Ça traverse le mur et pourtant ça peut s'asseoir sur une chaise. Pourtant ça peut prendre. La Bible déclare dans Jean chapitre 21 qu'il a pris un rayon de mur avec du poisson et l'a mangé avec eux. Quand tu manges, là, tu n'as pas fait caca, non? Quand lui mange, ce corps n'a pas fait caca. Il n'y a pas de WC au ciel. Mais pourtant, on mange là-bas, n'est-ce pas? On mange là-bas. Le caca, c'est dans cette dimension, parce que c'est le déchet, l'impurité. Là-bas, il n'y a pas d'impurité. Hein, ma soeur? Alors, la question, c'est, quand tu vas manger dans ce corps-là, tu manges ton ventre, là, ça va contenir quoi? Il y a des questions, hein? C'est la nourriture céleste. Oui, c'est céleste, ça c'est clair. Elle nous dit céleste. Tu manges, tu ne défectes pas. C'est la nourriture céleste. Ça c'est clair. Donc tu manges, tu ne défectes pas. Mais oui. Non, on ne mange pas avec la. Non, on mange pas la chair. On mange avec quoi alors? Voilà. Tu manges. C'est que l'âme mange là, la foi. C'est là-bas. On mange là-bas. Mais c'est juste qu'il a dit qu'on va manger là-bas, on va manger le pain là-bas, on va boire. On va manger. Au banquet, on va manger vraiment. Oui. Quand Jésus était sur la terre ici là, quand Jésus a ressuscité là, il a mangé avec sa bouche là, il a pris poisson comme ça là, il l'a mis dans la bouche, il a mangé. Et ma soeur, quand il est venu ici là avec Abraham, on a préparé la chèvre là, il a bien bouffé et puis il est parti au ciel. Dans Genèse chapitre 18, non? Donc là-bas on mange, on boit. Il n'y a pas de bon vin ici, en haut là-bas il y a de bon vin, on va boire chaque fois. Tu vas manger ma soeur? Elle dit sans commentaire. Merci le Seigneur, nous fait cette grâce. Vous voyez que toutes ces choses-là du ciel montrent clairement que personne ne peut mériter quoi que ce soit. Personne ne peut mériter quoi que ce soit. Que le Seigneur vous bénisse. Les questions sont épuisées? Non. Oui. Voilà, à moi. Oui. À propos de l'âme. Oui. Tout à l'heure, donc, tu disais que l'âme était, ne peut pas contenir ce corps physique. Oui, et dans la démonstration, j'ai montré cela. Voilà. Oui. On dit l'âme est dans le sang. Non, j'ai dit que le corps, l'âme est au-dessus de ce corps physique. Ça se passe que sa vraie réalité, si ça sort, même la maison, ça ne peut pas contenir. Ah. Ici, nous sommes réduits. L'espace et le temps là-bas, donc c'est pas comme ça. La question c'est comment il parvient à passer par exemple dans le mur. Tu peux traverser dans le mur avec ton corps? Si non, est-ce que tu peux t'asseoir sur une grande chaise et contenir toute la chaise? Non, comment Dieu donc assis sur un truc, lui qui donne le ciel, lui ne peut pas contenir. Il a un trône ou il n'a pas un trône? Il a un trône. Ok. Tout l'univers ne peut pas le contenir, non? Ok. S'il est assis à un trône, sur un trône, c'est pour que la chaise ne dépasse alors. La chaise a pu le contenir, la chaise est plus grande que l'univers. C'est comme ça qu'il est rentré dans. Il est rentré sur la terre ici. Donc il est rentré. Il a tenu dans un corps physique sur la terre. Donc il est ici. De cette même manière. Il est rentré. Il faut que tu enseignes ça aux gens qui enseignent à YouTube, je ne sais pas dire alors. Claire. Tellement grand qu'il peut se voir. Voilà, il peut se voir là. Sans que sa grandeur ne soit influencée. C'est comme le frère qui disait, quand il têtait le sein de Marie, il était Dieu. C'est à propos de cela, oui. Le frère, j'ai une question. Posez. Donc, on était dans les dénominations. Et un pasteur qui nous disait que Ésaïe 7, verset 15. Mm-hmm. On dit il mangera de la crème et du miel. C'est parce qu'il s'est rejeté le bien et le mal. Voilà. Oui. Il nous a traduit ça comme le Christ n'a pas têté les seins de Marie. Le Seigneur n'a pas têté les seins de Marie. Vraiment. Hein? Et qu'il a mangé seulement que de la crème et du miel pour vivre. Pendant qu'il était nouveau. Voilà, pendant qu'il était nouveau. Qui a dit ça? C'était qui? C'est le pasteur dénominationnel, c'est lui qui nous a expliqué ça comme ça. Oui. Et voilà. Donc, je voulais vraiment. Il est bien de voir que nous allons lire ces versets là pour voir vraiment que ça n'a rien à voir avec Jésus. Ah, d'accord. Et j'ai eu 7 versets. Verset 15. Vous savez. Ah, Jésus. Ésaïe, le chapitre 7. Le problème, c'est que c'est pour ça que quand on aborde le livre des prophètes, il faut faire attention. Et ils croient effectivement, comme on leur a enseigné dans l'école théologique, qu'il faut lire la Bible, il faut lire en haut et en bas pour comprendre le contexte. Ils croient que c'est dans les prophètes, c'est comme ça. C'est pas comme ça dans les prophètes. On y va. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mm-hmm. Verset 16, lis verset 16. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Je veux que vous me disiez quoi on parle là. Je crois qu'on doit remonter le verset 14. Remontons plus là-bas. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Oui. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Oui. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Oui. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Allons-y. Maintenant, qu'est-ce qu'on parle dans le verset 16 déjà? La question, retourne la question. Le verset 16 dit quoi? Mais avant que l'enfant, il va venir sur l'enfant sache. Rejeter le mal et choisir le bien. C'est pour ça qu'il y a du langage. Le langage du prophète est différent de ce que les gens peuvent bavarder ici n'importe comment. Le prophète, elle dit quoi ici? D'abord, hein, il vient rencontrer le roi Akaz. Le roi Akaz a des problèmes avec un autre royaume. Il dit à ses rois, il dit que sache que voici la direction du Seigneur. Si tu veux, demande pour toi un signe, verset 13. Il dit que je ne demanderai pas un signe, je ne veux pas tenter Dieu. Mais regardons ce que Dieu dit. Regardez encore. Regardez, verset 10. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le. Soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Donc si Akaz demandait qu'il voulait que la lune devienne le soleil, que le soleil devienne la lune, ça devait arriver à exactement comme il a demandé. Parce qu'il lui a dit qu'il demande le signe n'importe où. Vous voyez, quand vous causez un prophète, le prophète peut quitter d'une dimension à une autre à un instant. Vous croyez que c'est la même conversation que vous en avez détenue alors que ça n'a rien à voir avec ce que vous en avez détenu. Regardez, il est avec le roi, il a lui posé. Il dit, ainsi parle le Seigneur. Demande pour toi un signe, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Demande pour toi un signe dans les lieux élevés. Akaz a répondu, il s'en est conversé. Écoutez très attentivement. Akaz a lui posé avec lui. Akaz a répondu, je ne demande rien, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, donc à la suite de ce qu'il dit, je ne tenterai pas moi Dieu. Ésaïe lui dit, écoute donc, maison de David. Vous avez vu ça? Écoute donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes? Que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Vous voyez? Regardez, il a une cause avec un être humain ici. Mais il ne s'adresse pas à lui, il s'adresse à la maison de David. Il ne s'adresse pas à Akaz. Mais dans la synchronisation des conversations, des échanges, on a comme l'impression que c'est une suite logique de ce qu'il est en train de causer, alors que ce qu'il avait dit, il est sorti avec lui. Il ne parle plus à Akaz, il parle à la maison de David. Vous voyez? Donc Dieu est fatigué par le royaume qu'il alterne en bien et en mal. Chaque fois, ils font des idolâtries et autres là-bas. Il est temps pour lui de susciter donc le royaume de David, comme qu'il a promis. Il s'adresse à la maison de David. Est-ce pour lasser la puissance des hommes, pour lasser celle de Dieu? Donc Dieu est fatigué par ces alternances entre vous là, vous faites du bien, vous faites du mal, donc le moment arrivé, donc la maison stable qu'il avait promis à David arrive. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ok, maintenant il se tourne vers lui. Je veux que vous voyez la difficulté à comprendre ce langage, c'est que il a dû converser. Imaginez Akaz qui est devant lui en train d'entendre ce qu'il dit. Oh, Akaz est dans la guerre contre la Syrie. Ils ont la guerre contre la Syrie devant. C'est en plein là, ça se bat en plein. Et puis il dit, demande pour toi un signe. Si tu as peur de faire que Dieu va venir te soutenir, parce qu'ils savaient que plusieurs fois ils ont été en guerre, ils ont été vaincus. Donc ils savaient plus si Dieu était avec eux. Dieu veut leur rassurer en demandant un signe. Vous avez moi, n'est-ce pas? Oui. Mais là, lui dit, voici la Vierge enfantera. La Vierge, c'est la Vierge, pas jeune fille. La Vierge deviendra enceinte. Et on lui donnera de l'homme. Akas ne lui demande pas que, quelle jeune fille? Dans le pays, il y a tellement de jeunes filles. Presque toutes les filles d'Israël sont des Vierges. Écoutez très attentivement. Il s'en est de causer là. Peut-être avec ses conseillers à côté. Il la Vierge enfantera et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Vous voyez, il lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera l'enfant là. L'enfant fils là, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le bien et le mal. Je veux qu'on me raconte. Regardez mon ami, je veux dire quelque chose. Jésus est-il né avec le péché? Hein? Non. Comment il va vouloir rejeter le bien et le mal? Comment? Qu'est-ce qu'on a mis de dire? Qu'est-ce qu'on a de lui dire? C'est comme si le Seigneur allait nous garder juste à ce que on prenne conscience des choses. Non. Ici, le prophète allait lui donner la durée de la défaite de la guerre entre la Syrie et les Juifs. C'est ça notre débat. Waouh! Il a déjà parlé de la Syrie, c'est de la guerre à la Syrie. Il a déjà donné la durée, dans quelle durée il y aura la défaite. Mais où est-ce donc? Non, j'arrive. Parce que le verset en bas, regardez. Je vais répondre le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici. Behold, voici. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. D'accord? Ça, c'est une prophétie qui est décalée là-bas. Voici. D'accord? Voici, c'est la prophétie. Écoutez très attentivement. Comment il va faire sur ce texte? Que le Seigneur nous aide, d'accord? Ok. Je vais encore revenir. Je veux que vous voyez la conversation. Voici Akaz. Voici Isaïe. Demande un signe. Moi, je ne t'enterrai pas Dieu. Ok. Voici le signe. Vous voyez? Écoutez. Akaz refuse de demander un signe. Et Isaïe lui donne le signe. Parce que le signe, ici, c'est le signe pour la victoire d'Israël. D'accord? Mais avant le signe, Isaïe intercale le signe de la victoire totale sur le royaume. Par rapport à la venue du Messie. Et ce signe-là n'a rien à voir avec la défaite de la Syrie dont tu avais parlé. Maintenant, je vais relire la conversation sans lire la naissance de Jésus. D'accord? Verset 10. L'Éternel, soyez vigilants parce que quand il y a un livre, vous n'allez pas vous rendre compte. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux élevés, dans le lieu bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Isaïe dit alors, écoute donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Vous avez vu ce qui se passait? Vous avez vu? Ok. Je vais encore lire encore, mais à partir du verset 13. Isaïe dit alors, je lui dis une façon, je vais encore lui dire une autre façon. Isaïe dit alors, écoutez donc la maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont il craint les deux rois sera abandonné. Donc il veut dire, dans 12 ans, il y aura la défaite de la Syrie. Ma soeur! Où est 12 ans? Où est 12 ans? Tu n'as pas vu ça? Oui, ça va être dans le temps. Oui, la rivière est là, mais ici, ça n'est pas. Oui. C'est ce qu'il dit, là. Maman, il y a un problème avec moi. Non, non. Maman n'a pas choisi. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, avant que le pays dont tu prends les deux rois, là, sera abandonné. Ouais, vous avez suivi, vous avez compris. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que jusque c'était encore une idée mangée, ça n'a rien à voir. Vous avez assimilé. C'est pour ça que Dieu peut parler comme ça, là il enseigne les prophéties. Il parle d'enseigner les prophéties. Si vous n'êtes pas vigilant, vous ne pouvez pas savoir. Oui. Une autre question peut-être. Posez les questions. Vous avez assimilé. Amen. Oui. Vraiment. Mais je pose la question dans où est-ce que Bouza est aussi écrit là-dedans? Allez, parlez, allez-y. Papa, on était en train de dire donc que c'est à partir de 12 ans que le Seigneur Jésus était dans le temple et qu'on a retrouvé en train de discuter avec. On a appelé l'enfant Jésus. Voilà. À cette année, il ne mangeait plus de miel. Alors. Il ne mangeait plus de miel et la crème. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à. Il mangera la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le bien et du mal. Il faut demander à ton pasteur la prochaine fois que jusqu'à manger le crème jusqu'à quel âge. C'est pas mon pasteur. C'est un vieux truc. C'est les affres. Mon frère. Oui. Allons dans. Oui. On ne t'entend pas ici. Ça va se répondre. 12 ans. Elle dit quoi? Elle dit comment ça? C'est l'objectif. Pas bon. C'est l'objectif. Bon, mon frère, oui. Je voulais poser une autre question. Oui. 2 Corinthiens 5, on a lu tout à l'heure. Mais avant ça, j'avais souligné, j'avais préparé la question, je ne comprends pas le verset 5, l'expression les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit sont les acons. Les arts. Ah, ça veut dire acons. C'est-à-dire, tu vas dans un magasin, tu vois par exemple machine à laver, tu dis ok, c'est combien? On dit par exemple 120 000. Tu dis ok, je vous donne 60 000, je vais prendre l'argent quelque part et puis je reviens prendre pour finir. Ce que tu donnes là, on appelle ça à compte, ou bien à. Une avance. Oui, une avance. Pour l'esprit. Oui. Comment on donne l'avance? En fait, là, c'est la preuve que l'esprit qui t'a donné, c'est la suite. La garantie. C'est pas une avance. Une garantie qui vient pour prendre. Ce n'est pas l'argent qu'on donne qui est censé. Le fait que tu aies donné l'argent, c'est que tu as garanti. Vous comprenez effectivement que si les gens comprennent même ce que ça veut dire, ah, ça, c'est une bêtise que tu comprends que tu peux donner son Saint-Esprit à quelqu'un, il va en enfer. Donc le Saint-Esprit donné à quelqu'un, à un être humain, montre que Dieu a garanti que tu lui appartiens. Propriété privée de Dieu, pas touchée. Amen. Gloire à son Saint-Nom pour toujours. Amen. Amen. Mon frère. Question. Pourquoi les 12 ans? Tout à l'heure. Pourquoi 12 ans? Mais c'est ce qu'il a dit là-bas. C'est pas littéralement écrit. Oui. Mais c'est dans notre langage, en fait. Ah, c'est un langage prophétique. Non, c'est dans notre langage qu'on dit ça. Qu'il a dit ça de cette façon-là. Ça veut dire que quoi, il dit dans 12 ans? Ça coûte quoi à dans le livre de Daniel ou dans le livre d'Apocalypse de dire 42 mois pour qu'il dise comment dire un temps, la moitié d'un temps, un temps et la moitié d'un temps. Pourquoi ne pas dire 42 mois une fois? Vous voyez? Pourquoi on lui dit ces choses après 10 260 jours, soir et matin? Pourquoi? Pourquoi ne pas dire directement que tel nombre d'années? C'est son langage. Voilà. Donc, nous, on a notre langage. On fait cela pour que les communs ne puissent pas connaître. D'accord? Or, maintenant, il nous fait cela, c'est au milieu de nous qu'il nous fait. Qui sème cela. On va voir. Il y a des oracles qu'on va ouvrir ici en Côte d'Ivoire. Des oracles. Amen. Allons-y. Mon frère, j'aimerais savoir. Ça m'a troublé de tout le temps. Quand le Seigneur Jésus délivre quelqu'un, oui, il lui dit va. Ta foi, ta... Non. Pas ça. Ne le dis à personne. Oui. Et en partant, les personnes publient la chose. Oui, ils ont bien compris le message que Jésus a dit. Qu'est-ce que ça veut dire justement? Ne le dis à personne. Oui. Ça veut dire que dis. Quand tu es là, en français, lorsque vous dites, tu as bien de parler, tu dis, tu interromps la personne, tu dis que je ne te coupe pas. Qu'est-ce que tu as de lui dire? Tais-toi. Oh, pourtant tu as dit je ne te coupe pas. Mais tu le dis je ne te coupe pas en faisant quoi? En coupant. En le coupant. Vous voyez? Oh, maintenant, regardons Matthieu. Mais Jésus l'a ensuite s'éloigné de ce lieu. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Bon, maintenant, c'est vrai, on dit concrètement, regardez bien pour montrer que ça ne tient pas la route. Tu es ici, dans ce quartier, on sait que tout le monde sait que toi tu es aveugle. Tu vas là-bas, je te guéris, tu rentres, une personne doit savoir que tu es mal. Tu t'es guéri. C'est sûr. Hein? Verset 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Vous avez vu ça? Vous avez suivi le langage là? Vous avez vu le langage? Regardez le verset 20. Il ne brisera point le roseau cassé et n'éteindra point le lignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espéreront en son nom. Or, on dit ici que c'est quand il dit ah, les prophètes s'y vont me fier. Il dit ok, maintenant vous allez être guéri. Ne dites ça à personne. Il dit ne dites ça à personne, c'est que avant que ça complète, qu'il dit on n'entendra pas parler de sa voix dans les rues parce que. Il ne tiendra pas le lumière qui fume. Vous voyez ça, il ne brisera pas le roseau cassé. Qu'est-ce que le prophète a dit? Qu'est-ce que ça a à voir avec ce que le Seigneur Jésus dit? N'allez pas parler ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne brisera pas le roseau cassé. C'est ça, n'est-ce pas, ma soeur? Moi, il vous pose la question. Je suis encore en Côte d'Ivoire, donc cherchez. Vous voyez? Enfin, ta question, c'est le verset 17 là, non? Le verset 16, il dit qu'il le recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Quand il a fini de guérir les gens, ne faites pas. Il dit, n'allez pas dire ça à quelqu'un. Ce n'est pas seulement ici. Plusieurs envers la vie, c'est la vie. On lui dit, celui-là est allé par tout le pays que Jésus l'a guéri. Donc, c'est bien traduit, très bien dit. Il y a un langage qui est bien dit, c'est vraiment bien dit. C'est-à-dire que quand on sortait ici, n'essayez pas de dire que quelque chose s'est passé. Afin que ça Maintenant, on dit, il a fait comme ça, afin que ça accomplisse. C'est qu'avait dit le prophète. Parce qu'il avait dit, c'est comme si quand il rentrait dans la ville sur l'âne. L'annonce. Comme Esaïe l'avait dit, il avait prophétisé, allez-y me chercher un annon que je monte dessus pour rentrer dans la ville. L'autre annonce, au moins c'est facile, dans Zacharie 9:9, on voit cela. C'est pas ça, mais c'est aussi simple. L'autre aussi, c'est le langage prophétique. Voilà. Mais juste là, regardez bien. On dit en haut, on dit qu'il les a précondés, c'est vraiment de ne pas publier. Mm-hmm. On dit afin que ça complète. Mm-hmm. Et on dit quelque chose que c'était prévu comme ça. Vous voyez que si tu ne lis pas, si tu ne lis pas là dans le livre d'Isaïe 42 et autres là-bas, par rapport à tout ce qui est écrit là-bas, tu ne dois pas comprendre ce qu'on a envie de dire. Mm-hmm. N'est-ce pas? Ça veut dire que tu vas aller lire Isaïe 42, tu vas lire les choses qu'on va dire là-bas, les choses qu'on va dire que c'est le rejeton ici, il va faire telle ou telle chose là. Mm-hmm. Tu ne verras absolument rien de ce qu'il a envie de dire. Si vous voulez, on essaie d'aller lire Isaïe 42, vous allez voir, ça va vous malaxer là-bas, fatigué. Et donc, mon frère, tu disais que tu n'es pas un évangéliste, tu n'es pas un pasteur. Je suis un frère. Un prédicateur. Un prédicateur de la parole, chargé de prêcher ces choses. Est-ce le septième qu'on attend? Oui, jamais. Je suis le prédicateur. Comme le frère a dit que ce n'est pas lui, mais il est envoyé au-devant de lui. Qu'il y a un autre qui fera de plus. Les chrétiens sont envoyés au devant du Seigneur pour préparer le chemin du Seigneur. Tous les chrétiens. Donc vous voyez que dans Matthieu chapitre 12, le Seigneur dit clairement que c'est prévu dans Isaïe 42 qu'il ne viendra pas pour faire la politique. La guérison qu'il va faire, il ne va pas faire que les foules se réunissent en partie politique, ni s'initier dans les choses à faire politique. Il ne briserait pas le roseau cassé. Hein? Il ne viendra pas le divinion qui coule. Juste à ce qu'il établit sa justice. Donc il a eu sa façon d'établir la justice. Pas comme les partis politiques, quand ils vont venir donner le puits dans un quartier, ils vont faire maintenant que désormais que vous appartenez à un parti politique. Révoquez vos partis politiques, le syndicat maintenant des anciens guérisseurs. Non. Faites pas comme ça. Posez des questions. Posez toutes vos questions. Dis mon frère. Côte d'Ivoire, bonjour. Bonjour. Bonjour, frère. Dans le Blessed Afternoon. Blessed Afternoon, oui. Du 27 décembre 2012. Banaluba. Donc tu as noté frère, tout ça comme ça là. Tu affirmes que l'esprit de Eli est sur moi. Oui. De plus, en tournée européenne. Tu disais que lorsque le comportement des femmes est beaucoup réprimé, oui. C'est parce que l'esprit d'Élie est sur la terre. L'esprit d'Élie doit être sur la terre pour réprimander cela. En fait, en clair, pour répondre à ta question, tous ceux qui réprimandent cela ont l'esprit d'Élie. Pas moi seul. N'allez pas dire que je dis que je suis Élie. En fait, c'est vrai que mon prénom c'est Élie. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça que l'enseignement intitulé Élie est parmi nous. Parce que l'esprit d'Élie est là. Puisque l'esprit de Jézabel est là. Si l'esprit de Jézabel est là, l'esprit d'Élie sera là. Si les gens veulent comprendre, ils comprennent n'importe quoi. Que quelqu'un pas dit n'importe quoi de moi, c'est son problème. Mais l'esprit d'Élie est là. Tant que les femmes se comportent de façon déréglée, cet esprit sera là pour les redresser. Mais souvenez-vous, l'esprit d'Élie est différent de Élie. Voilà. Posez des questions. Bonjour Côte d'Ivoire. Bonjour. Dans Apocalypse 5, le verset 6, oui. On a parlé des sept esprits de Dieu. Oui. Les quatre êtres vivants. Oui. Les 24 filières. Là, oui. C'est qui tout ça? C'est qui tout cela? Alors lis donc. Apocalypse chapitre 5. Le moment viendra, on va faire l'étude d'Apocalypse, chapitre après chapitre, chapitre après chapitre. Comme on a fait l'étude de Jacques là. Dieu voilà. Parce que ça, c'est vraiment peut-être le chapitre 1. Oui. On a commencé ça une année, on a fait 3 semaines sur le premier chapitre. C'était ça non? 3 semaines sur le premier chapitre, on n'a pas fini. Ouais. On a enseigné 4, 5 heures, ça ne finissait pas. Parce que ça en touche, ça touche toutes les parties de la Bible. Toutes les parties de la Bible. Il faut aller dans l'histoire d'aimer les gens. Parce que vous voyez dans l'Apocalypse, on dit par exemple que Jean va prendre le livre, tu as quand tu vas arriver, tu vas prophétiser sur les nations. Il va prophétiser sur les nations. Sur les nations. Un chrétien dit aujourd'hui que non, on n'a pas besoin d'aller prophétiser sur les chefs d'État, ni quoi que ce soit. Un chrétien dit que tu vas prophétiser sur les nations, sur des royaumes. De ce que Dieu a vu, les choses qui vont arriver. Nous voulons savoir maintenant ce qui est arrivé, depuis ce qu'il a parlé, ce qui est censé arriver. Comment vous allez faire pour dire à quelqu'un que ceci est arrivé, ceci doit être encore arrivé. D'accord? Chapitre 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants. Et au milieu des veillards, le verset c'est amusant. Je vais dire cela parce que je vais prendre cela par rapport à ceux qui parlent de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ainsi de suite. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des veillards. Il y a un monsieur qui disait qu'il a vu, quand il a vu ça, il a tombé. Il a dit que, ouais, voici comment la preuve que Dieu est seul, Jésus-Christ est seul. Et c'est ce qu'il a dit qu'il a pleuré. Il a eu l'amour pour les yeux. Écoutez, et je vis au milieu du trône. Et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Je peux m'arrêter là-bas et dire quelque chose. Regardez, verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il y a des choses. Cette personne dit que, il a vu ce qu'il a vu, elle a dit que voici vraiment Dieu qui est assis sur le trône, voici Jésus qui allait prendre. On n'a pas dit Jésus allait prendre l'agneau, qu'il allait prendre le livre. Ce n'est nulle part Jésus. Vous voyez ce qu'il en est? La Bible parle de celui qui est assis sur le trône. On dit qu'il l'a vu au milieu des quatre êtres vivants. Au milieu du trône. Regardez très lentement encore. Je vais que vous compreniez quelque chose. La première chose à savoir, c'est que il y a un trône. Il y en a un trône. Regardez, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, pas sur un trône, sur le trône. Un livre écrit en dedans et en dehors serait des sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni de le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne crains point. Voici un, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est cette sceau. Tu as vu ça? Donc, le vieillard lui donne le renseignement de l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Que c'est à cette personne-là qui a vaincu. Maintenant, quand il a dit ça, c'était pour essuyer les larmes des gens. Maintenant, la Bible déclare, et je vis au milieu du trône. Il faut que cette personne qui a lu le livre se serait pleuré en disant que, voici maintenant là où on voit effectivement que Dieu et le Père et Jésus sont deux personnes différentes. En lisant ce verset-ci, il faut qu'ils disent comment se fait-il que l'agneau se trouve au milieu du trône alors qu'il y a un seul trône. Pourtant, on a dit que j'ai vu celui qui était assis sur le trône tenir le livre. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a un trône. Il y a quelqu'un qui est assis sur le trône, soi-disant avec le livre comme ça. Sur le trône. Voici, il est sur le trône avec le livre. Puis il dit verset 6. Et je vis au milieu du trône, pas à côté, pas devant, au milieu du trône. Donc, cette personne-ci, écoutez très attentivement, cette personne-ci a servi le livre comme ça dans sa main droite, il demande qui est digne d'ouvrir le livre. Un ange qui crie, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre le saint sceau. Maintenant, personne n'est celui du jour. Le vieil dit à Jean que le lion de la tribu de Juda a vaincu, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le sceau. Puis quand il le regarde, il s'est fini le regard, écoutez très attentivement, on lui a donné le renseignement que c'est le lion qui a vaincu. Je vis au milieu du trône. La question c'est, le milieu du trône c'est où? Où le milieu dans le trône? C'est sur le trône. C'est sur le trône. Ok. Donc, la personne qui tient le livre, continuons seulement. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants. Vous y êtes? Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là. Il s'est trouvé où l'agneau? Il avait combien? Sept cornes et sept yeux. Donc Jésus était comme ça. Jésus était sur la terre comme ça avec sept cornes. Non. De quoi est-ce qu'on en est parlé là maintenant? Et sept yeux. On dit qui sont les sept esprits de Dieu envoyé par toute la terre. De quoi est-ce qu'on parle ici? Donc Dieu est seul sur le trône, c'est l'agneau là qui a les esprits de Dieu. Tous les esprits de Dieu, c'est à lui. N'est-ce pas, les sept esprits de Dieu. Et Ésaïe chapitre 11, on va comprendre ça, nous sommes là pour ça. D'accord. Ésaïe, le prophète. Après, lorsqu'on va quitter dans cette Ésaïe, on va aller dans le livre de Zacharie. Le chapitre 3. Ésaïe chapitre 11. Donc, lorsque vous lisez comme ça l'Apocalypse, vous avez l'impression que Dieu a un esprit. 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 7, n'est-ce pas? Donc, Dieu a 7 esprits. Hein? Et l'agneau a 7 cornes. Donc vous imaginez par exemple un agneau, et si les gens justement, comme ils aiment dessiner le serpent avec le pomme rouge, si vous dessinez, ça va dessiner un petit agneau comme ça, ils vont mettre un corne ici, un autre corne là-bas, un autre corne là-bas. Ah vraiment. Je sais pas comment on va faire avec ces gens-ci là. Que chacun fasse son rôle. Chapitre 11, regardez. À partir de 1. Puis un. Vous y êtes. Puis un. Sortira du tronc d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. Je veux qu'on me dise la différence qu'il y a entre un rameau et un rejeton. Vous connaissez le rameau, non? Oui. Le rameau, c'est quoi? Vous faites la fête du rameau, vous étiez en catholique, vous étiez catholique, non? Non. Ah, bon, quand on était enfant, on partait à l'église et à l'école. Oui, et vous ne faisiez pas le fait des rameaux. Donc, à l'école catholique, tu es obligé de partir. Oui, la fête des rameaux, on disait que le rameau, c'était quoi? Bon, pour annoncer la Pâque. La Pâque, les branches. De... Les branches, oui, oui, oui, oui, les branches frêles. Ok, maintenant on dit, puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. On parle de qui ici? Ésaïe. Le père de David. Oui, le rameau aussi est mis. Le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Donc, ici, le rameau est mis pour le Seigneur, n'est-ce pas? Oui. Mais Jésus est une plante. Non. Ok. Et un rejeton naîtra de ses racines. Le rejeton, c'est qui? Un rejeton naîtra de ses racines. C'est la chrétien. Hein. Les chrétiens sont les descendants d'Isaïe, non? Non, les racines du Seigneur. Donc, vous voyez que rameau est mis pour le Seigneur, rejeton est mis pour le Seigneur. Donc, il a en même temps rejeton et rameau. Comment quelqu'un peut être en même temps rejeton et rameau? Et il y a un « et » là-bas. Parce que les gens disent que quand on dit que Dieu est Dieu le Père et Jésus-Christ, comme on dit comme ça, c'est deux personnes. Parce qu'il y a aussi deux personnes ici. N'est-ce pas parce qu'il y a « et » Mais c'est pour cela qu'il y a des enseignants et puis il y a des écouteurs. Mais ce sont des enseignants qui disent, que « et », ça veut dire que « deux ». Mais parce qu'il y a un « et » qui met une conjonction sur deux phrases, mais qui dit à la même personne. Mm-hmm. On continue. Bon, maintenant, puisque le verset suivant va nous montrer qu'il ne s'agit pas de deux personnes, mais d'une personne. On dit donc, l'esprit de l'éternel reposera, on ne parle pas sur eux. On dit sur lui. Donc, le premier verset parle d'une seule personne. D'accord? Ok, maintenant, écoutez très attentivement donc. L'esprit de l'éternel reposera sur lui, le rejeton, le rameau. D'accord? Chaque fois que je dis, vous comptez, d'accord? Esprit de sagesse. Et d'intelligence. Esprit de conseil. Et de force. Esprit de connaissance. Et de crainte de l'éternel. Voilà maintenant. Il respirera la crainte de l'éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un udit, mais il jugera les pauvres avec justice, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et il s'ouvre de ses lèvres, il fera mourir le méchant. On nous dit clairement quand il va venir, comment il va détruire Satan. Vous voyez tout ça, quoi? Il dit ça, c'est marqué. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité, et la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, ainsi de suite. Les prophètes sont pleins. Vous avez compté combien? 6. Ok, rentre dans l'Apocalypse. Verset 5, chapitre 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux. On dit qui sont les sept yeux sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Vous avez compté combien ici? Il y a un problème. Parce que la personne qu'on avait dit dans Ésaïe chapitre 11 ici, c'est la même personne qu'on dit ici dans Ésaïe chapitre 5. Et dans Ésaïe chapitre 5, et dans Ésaïe chapitre 5, ils sont censés être 7. N'est-ce pas? Mais là on compte combien? Hein, mes soeurs? 6. Où est le septième? Vous avez lu la Bible, c'est vrai, vrai. Septième, c'est quoi? Comment faire? On a compté combien ici? 6. Bon, pourquoi c'est 6 ici? Où est le septième? Bon, je vais poser la question autrement. C'est qui le Saint-Esprit? Voilà. Ce que je voulais le dire. La blague, tu n'as qu'à dire là. C'est qui le Saint-Esprit? Le Seigneur Jésus. Alors, t'as vu que c'est le Seigneur. Alors, dans 1 Timothée. Et 205 là, madame. Ouvrez aussi Zacharie, côté de toi, chapitre 4. Il faut de ouvrir. Tu cherches quoi là, ma soeur? Juste après, avant Malachi. Oui. Mais Malachi, au moins tu connais, là on parle de dîmes, non? Prenons Zacharie chapitre 3. Yeah. Zacharie chapitre 3. Après, vous avez ouvert le livre de Timothée déjà, n'est-ce pas? Permettez-moi de trouver celui de Zacharie là. Zacharie chapitre 3. Le verset 9, qu'est-ce que ça dit? Car voici, vous ne lisez pas votre voix là. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux. Sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Amen. On voit clairement de qui les questions ici. Au verset 8, il parle de germe. Le serviteur qui va venir, qu'on l'appelle germe. N'est-ce pas? Au verset 8, là, du chapitre 3, il parle de son serviteur qui va venir, qu'on l'appelle germe. Le germe. Vous avez le nom, l'autre nom de Jésus. Le germe. Vous avez ça? Oui. Le germe. Là-bas en bas, plus le verset suivant, le germe devient la pierre. La pierre qui a sept quoi? Sept yeux. Sept. Et lui gravera ce qui doit être gravé. La pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait devient la principale des langues. Alors chapitre 4. Vous y êtes. Chapitre 4 des Zacharie. Je vais dire après, monsieur, oui, regardez. D'abord, c'est à l'esprit qu'on a lu Apocalypse chapitre 5. Ça nous a ramené dans Ésaïe 11. Et il y a un monsieur qui manque, n'est-ce pas? Oui. Et on va rechercher tout à l'heure. La parole de l'Éternel, verset 8, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Les mains des Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisent le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau des. Le niveau dans la main des Zorobabel. Il y a des pasteurs d'une nation qui a construit le Babylone. Quand vous ne voulez pas contribuer, ils prennent ces versets pour dire que ceux qui méprisent le faible commencement. Il faut que les gens viennent donner encore des dîmes pour construire leur, leur tour de. Maintenant, écoutez bien. Et vous y êtes. Car, verset 10 encore, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main des Zorobabel. Ces sept yeux. Vous y êtes. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourt toute la terre. Vous y êtes. Ok, on va commencer à construire doucement. Donc, il y a une pierre qu'on appelle Gêne. D'après le verset 3, chapitre 3, verset 8 et 9, il y a un Gêne qui arrive, qui sera devant Jésus, le souverain sacrificateur. D'accord? Et dans cette pierre-là est gravé sept yeux. Et on dit que ces sept yeux sont les sept. Sont les yeux de l'Éternel qui parcourent la terre. Donc Dieu a sept yeux. C'est ça, non? Ses yeux font comme ça sur la terre, comme ça. C'est pas vous partout. Un n'est pas par là-bas, un n'est pas par là-bas. C'est ça, non, ma soeur? Alors qu'il a 500. Il a parlé à 500 frères à la fois. À la fois. Et chaque corps qu'il avait là-bas avait deux yeux. Ça fait 1000 yeux exactement. Donc on ne parle pas des yeux ici, n'est-ce pas? C'est ça. On parle de quoi? On parle des manifestations de son esprit. N'est-ce pas? On parle des manifestations de son esprit. D'accord? Donc ces manifestations, son esprit se manifeste de cette façon différente, à cette principale manifestation. Et toutes ces manifestations doivent se retrouver en Christ Jésus. D'accord? Maintenant, nous avons lu Zacharie chapitre 3, n'est-ce pas frère? Et chapitre 4. Il nous manque, on a lu dans Ésaïe chapitre 11, on a compté 6. On va compléter maintenant le 7e. Le 7e nous se trouve dans 2 Timothée. Regardez. 2 Timothée chapitre 1, il faut que vous lisez et on va voir quelque chose de même. Oui. Dès que vous allez au chapitre 1, il veut le donner le verset, il veut qu'on lit tous ensemble, d'accord? 2 Timothée chapitre 1, lisons tous ensemble le verset 7. 1, 2, 3. Non, tous ensemble, il veut qu'on lit tous ensemble. 1, 2, 3, verset 7, 2 Timothée 1, 1, 2, 3. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous avez vu ça? Le Saint-Esprit pouvait dire que c'est le Saint-Esprit. Il pouvait dire ici au travers de Timothée, de l'apôtre Paul, que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, pas l'esprit de timidité. Il commence à détailler. Or, ce que le chrétien reçoit, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez cela, c'est le seul Saint-Esprit. Il n'y a pas plusieurs esprits qu'on reçoit. D'accord? Ici, il dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Maintenant, si vous regardez dans cette phrase-là, force se retrouve déjà dans Ésaïe 11. Oui. Sagesse se trouve dans Ésaïe 11. Mais il manquait un esprit d'amour. Ça fait 7. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est revêtu de l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel et d'amour. Voilà les sept esprits de Dieu. Vous voyez cela? Voilà les sept yeux de Dieu. Voilà ces sept colonnes. Voilà ces sept fondations. Ça se trouve là, devant. Maintenant, j'arrive. Observez maintenant bien. Vous y êtes. La question c'est, pourquoi dans Ésaïe 11, on n'a pas cité ça ici? Et il traverse tout le livre, tout le livre. Il va un jour quand même de reprendre ça à quelqu'un avant de le donner là-bas. Parce que Christ lui-même était le don de l'amour. Parce que Christ est amour. D'accord. Il est amour. Et mon frère, je dirais plus. C'est une bêtise de vouloir maîtriser Dieu dans une école. Bonjour Côte d'Ivoire. Vous avez le master en divinité ici aussi. Vous avez le master en divinité, vous êtes le doctorat en divinité. Vous avez dépassé tout ça, mon frère. Vous avez dépassé le grade du Camerounais. Jamais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, souvenez-vous d'Apocalypse chapitre 5, il n'est pas question de deux personnes sur le trône. Regardez, vous faut, les quatre êtres vivants, là, vous les connaissez, vous? Non. Vous connaissez qui sont ces? Les 24 juillet. Oui, les 4, commençons par 4. 4 là, on multiplie beaucoup, ça fasse 24. 4 êtres là, c'est qui? C'est ça. Allons-y d'abord, lisons quelque chose et voyons quelque chose. Rentrons au chapitre 4. Oh là là, ma Bible là, au chapitre 4 là. Allons au chapitre 4. Le chapitre 4 va nous donner un renseignement, d'accord? Si c'est compliqué, au chapitre 4 d'Apocalypse. Si c'est compliqué, viens d'abord m'arrêter, d'accord? Apocalypse chapitre 4. Après cela, à partir du verset 1, après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Donc c'est la suite des événements. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel. La Bible déclare qu'il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Nous sommes au chapitre 5 tout à l'heure. C'est à partir du chapitre 4 que ça commence, la description du trône et la personne qui est assise dessus. C'est quand même terrible que les gens ne voient pas la gloire et la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est la révélation, sa révélation ici. Donc si dans les évangiles, il y a d'ambiguïté, ici, ça ne fait pas d'ambiguïté. Qui est assis sur le trône? Si vous dites c'est Dieu, vous aurez des problèmes. Parce que dans Apocalypse chapitre 20, qu'on a lu aussi, quand nous parlons des âmes là, ceux qui étaient là, les morts ressuscités là, vous vous souvenez de cela? On est devant celui qui était assis sur le trône, le ciel et la terre s'enfuient et disparaissent, n'avaient plus trouvé plus de place, n'est-ce pas? Devant celui qui était assis sur le trône. Dans le livre des Jean, chapitre 5, nous avons également lu cela. Il dit que le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Donc ça veut dire qu'au jugement dernier, ce n'est pas Dieu qui va juger, c'est le Fils. Donc celui qui était assis sur le trône, c'est le Fils de Dieu. Alors la question c'est, pendant qu'il était assis là-bas, Dieu était où? Là est le problème, n'est-ce pas, mes soeurs? Maintenant, verset 3, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre des jaspes et des sardoines. Vous vous souvenez de Zacharie chapitre 3, la pierre qui est placée devant Josué, le souverain sacrificateur, donc ce qui doit être gravé sera gravé. Et vous allez remarquer que ce qu'on va citer, c'est l'environnement de ces sept pierres, ce sont une des sept colonnes dont on a taillé dans ce livre de Zacharie. Les septuples gloires du Seigneur Jésus. Celui qui était assis sur avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arbre ancien semblable à des bureaux. Et l'arbre ancien a sept couleurs. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Voilà. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Donc, en fait, c'est la cohorte céleste là-bas. C'est pas qu'il a vu un endroit du trône, il a vu, il a dit sept. Le trône central avec quelqu'un qui était assis sur ça, qui avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Et puis tout autour de lui, il y avait 24 vieillards, n'est-ce pas? Revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs et des voix et des tonnerres. Vous y êtes? Du trône. Donc, le trône, c'est la source de cette voix-là sort du tonnerre. Du tonnerre de ce trône-là. Devant le trône brûle sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Vous avez vu là où la lampe, là où les esprits se trouvent maintenant? Les lampes sont devant le trône. Chapitre 5, ces sept esprits sont sur, sur quelqu'un qu'on appelle agneau. Avec ses cornes. Vous parlez des complications. Il suffit de lire la Bible. Si quelqu'un veut, on lui casse la tête, on va lui casser la tête avec ces choses-là. Ici, on dit, devant le trône brûle sept lampes. Vous vous souvenez, lorsqu'il a donné aux Juifs les lampes. Regardez très attentivement. Vous connaissez le drapeau juif, là, le symbole avec le drapeau avec. Cette drapeau avec les sept lampes. Remarquez très attentivement que ces sept lampes, avec, ça a sept sorties. Sept sorties en haut. Et ces sept sorties ont un même canal. C'est ce canal-là, à l'intérieur, ça plonge dans de l'huile. La même huile brûle dans les sept lampes. Donc le même esprit qui fait l'esprit d'amour, l'esprit de force, l'esprit de sagesse, de crainte de l'éternel, d'intelligence. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Le même esprit. C'est le même, la même lampe. Ce qui brille là-bas, là, ce qui sort là-bas, sort du même esprit. C'est pas ce que c'est. Verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre. Une mer de verre. Le verre. Comme c'est la mer, c'est là où les péchés sont jetés, non ma soeur? Vous savez ça, n'est-ce pas? La mer de l'oubli. Semblant à du cristal, c'est au travers de quelle la mer, au travers de quand on regarde tes péchés, tu es pur. Tu parles des bulles de la mer. Maintenant, regardez. Au milieu du trône et autour du trône, remarquez que le trône est au singulier, il n'y a pas de trône. Il n'y a pas à confondre. Il y en a un trône. Et c'est quelqu'un qui est assis en particulier. Il y en a 24 autres trônes. Et ces 24 vieillards dans l'ombre, on voit effectivement que c'est 12 d'un côté, 12 d'un côté des deux alliances. Il y a maintenant 4 êtres. Écoutez bien, c'est autour du trône maintenant. Et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. C'est eux qu'on doit identifier maintenant, premièrement. Il y a 4 êtres vivants. Comment? Autour du trône. Donc vous voyez effectivement que c'est ceux qui gardent le trône ici. N'est-ce pas? Ceux qui gardent le trône ici. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, regardez très attentivement maintenant. Le premier être vivant est semblable à un lion. Vous avez vu? Le second est semblable. Le second être vivant est semblable à un veau. Troisième être vivant est à la face d'un homme. Vous savez moi? Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Qu'est-ce que l'aigle pouvait faire mieux que de voler? Un aigle qui vole. Ils sont où les quatre êtres vivants? Ils font quoi? Ils sont tout autour du trône. Ils préservent le trône. Et on décrit que tout autour de ce trône-là se trouve la lampe qui brille. Ayant sept canaux avec les. Je vous ai expliqué cela. Donc, on dit que cette tête-ci, ces quatre-ci, on commence à les identifier. On dit que ceux-ci sont comme ça, celui-ci est comme ça, celui-ci est comme ça. Là, ils préservent là-bas. Vous voyez cela? Vous voyez, Actes des apôtres entourés par quatre évangiles. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et chacun, il y a un homme qui va venir là-bas pour voici, j'ai fait les investigations, comme les êtres humains font les investigations. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Et le dernier semblable à un aigle, un type de prophète, à qui la prophétie va dire de l'aide de l'Apocalypse. Vous voyez Jean? Okay. Maintenant, regardez, tiens, attention, on va voir quelque chose. Zacharie. Ou bien, allons dans le livre d'Ézéchiel. C'est ça, vous voyez, quand quelqu'un dit. Ah, la Bible, de Bible n'est pas complète. Il y a les évangiles qui ne se peuvent pas contenir dedans. Il faut que ce soit 4. Pas 5, pas 3. Il faut que ce soit 4. Lors de l'Ézéchiel, chapitre 1. Et gardez la description qu'on a lu dans ce chapitre 4. Du verset, chapitre 4, on a lu quoi? Chapitre 4, du verset. La description de ces 4 êtres-là. D'accord? 1. On a dit qu'ils avaient la face. Il y avait le lion, le veau, l'homme et l'aigle. D'accord? Mais marquez bien l'ordre, la chronologie. 1. Le lion. 2. Le veau. 3. Quoi? L'homme. Et puis? L'aigle. Donc, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Dans cet ordre-là. Observez bien. Matthieu. Vous voyez que l'homme, c'est Luc, n'est-ce pas? Luc le met avec la perspicacité de l'homme. Il fait des choses, il fait des investigations. Et vous voyez que l'aigle, lui, sa part d'évangile est différente des autres. N'est-ce pas, frère? Le lion et le loup. Le lion, vous voyez que le lion et le veau. Mais lion et veau. Lion et veau. Le lion de la tribu de Judas. Chaque fois, il ne fait que rappeler selon ce qu'ont dit les prophètes. Le lion Matthieu, il fait avec les choses comme les juifs. D'accord? Le veau, lui, fait vite et vite pour aller à la sacrifice. Marc, lui, n'a pas de temps à perdre. Il raconte l'histoire rapidement pour passer au sacrifice. Hein, mon frère, ma soeur? Mm-hmm. Bonjour, Côte d'Ivoire. Bonjour. Mm-hmm. Bonjour. Ézéchiel, donc. Chapitre 1. On est ensemble, là. Mm-hmm. Il dit, si c'est lourd, je vais arrêter. Mm-hmm. On va arrêter. Ézéchiel, chapitre 1. Je vais la partir du verset 3. Ou mieux, le verset 2. Lisons doucement, on y va, d'accord? Suivez attentivement. Ézéchiel, chapitre 1, verset 2 et suivant. Le cinquième jour du mois, c'était la cinquième année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bozi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. J'ai regardé et voici, il vient du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre, écoutez, au centre de laquelle brillait comme des lérins polis sortant du milieu du feu. Donc il a envie de voir que je carré, ça tourne, le feu tourne dans cette zone-ci, alors que ce tourbillon fait voir de ce côté. Le tourbillon va comme ça, la nuée se déplace, il voit le tourbillon, il observe que dans autour de ce tourbillon, il y a un feu. Et au milieu du feu, il voit quelque chose qui brille comme le cuivre. Regardez très attentivement. Et puis son attention sera fixée sur cette vision-là. Regardez. Au centre encore, il dit au centre tourne quelque chose comme le rein poli. Il dit au centre encore, ne sois pas déconcentré. Au centre encore apparaît quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Vous avez dit? L'aspect, donc la forme. Il avait la forme comme une ressemblance, comme la forme, comme l'homme pourrait être formé. Chacun d'eux avait quatre faces. Chacun d'eux avait quatre faces. Et chacun avait quatre ailes. Vous y êtes? Leur pied était droit et la plante de leur pied était comme celle du pied, comme du pied d'un veau. Ils étincelaient comme des lérins polis. Vous y êtes? Donc, quand son attention a été zoomée, donc il a zoomé au milieu du feu pour voir ce qu'il en est. Vous parlez de quelqu'un qui met la main dans la bouche, vous parlez de chérubins. Ils avaient des mains d'hommes sous leurs ailes à leur côté. Et tous les quatre avaient leur face et leurs ailes. Vous y êtes? Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Leurs ailes étaient jointes. Vous voyez, on a lu ça, n'est-ce pas? Verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face 1. Tous quatre, une face 2. Mais vous êtes avec moi? Des lions. Vous y êtes? Oui. Verset 10 encore. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face entourée homme. Vous y êtes? Tous quatre, une face de lion. Souligné. À droite, tous quatre, une face de bébé. À gauche, et tous une quatre face de l'aigle. Vous voyez la même chose encore. Vous y êtes? C'est pas terminé. Voici les quatre, ce qu'on appelait animaux là-bas. Ah. Ce qu'on appelle animaux là-bas. Parce qu'il n'y a pas de description sur le plan humain. Tu vas dire que c'est quelque créature. Vous y êtes? La chose, c'est que, on avait dit qu'ils étaient remplis Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, ici, verset 11, leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et deux couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit. Mettez l'esprit où avec grand E. Lui, c'est quoi être trop fort pour cela. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller et ils ne se tournaient point dans leur marche. Donc, quel qu'en soit ce que l'homme va venir, pour pouvoir détourner l'évangile, n'importe quoi, l'évangile va diriger droit vers ce qu'il en est d'avancé. On ne peut pas tourner, on ne peut pas aller contre la vérité. Avançons. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. L'aspect de ces animaux. Vous savez comment on dit, on les appelait animaux. Donc avec la définition des animaux, quand on dit que c'est la poule, le pied, ce n'est pas la même définition en haut. Vous voyez? On dit que l'animal c'est quoi? C'est une créature qui peut avoir la chair de la poussière. Ça, c'est pas la chair de la poussière. C'était comme. Et oui, effectivement, c'était tellement difficile que le prophète ici a du mal à décrire. Il dit c'était comme l'aspect des flambeaux. Et le feu circulait entre les animaux. Oui. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Souvenez-vous, ces animaux aussi, c'est là où le trône est déposé. D'accord? Donc, c'est les gardiens des trônes. Et quelqu'un dit qu'il montre le doigt sur Dieu. Quelqu'un montre le doigt sur le trône de Dieu. D'autres maudits Dieu. On avance. Verset 14. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Donc, tu attends le tonnerre. Verset 15. J'ai regardé ces animaux et voici, il y avait, écoutez bien, une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs quatre faces. Une roue. Je veux que vous observez maintenant. Prêtez attention à cette roue-ci. Prêtez attention maintenant. Vous êtes prêts? À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Allez seulement voir une visée, allez venir raconter sur la terre, vous allez voir si on va vous prendre pour un fou. En cheminant, elle allait de leurs quatre côtés. Et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante. Et à leur circonférence, les quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. Les roues. Suivez bien la roue. D'accord? Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de la terre, les roues s'élevaient aussi. Vous parlez de Jésus. On y va. Ils allaient où l'esprit les poussait. Mettez l'esprit avec grand cœur. L'esprit les poussait à aller et les roues s'élevaient avec eux. Écoutez bien, écoutez. Car l'esprit des animaux était dans les roues. Il vient de suivre les roues. On avance. Verset 21. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux. Car l'esprit des animaux était dans les roues. On réitère cela. D'accord? Verset 22. Écoutez très attentivement, on avance. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leur tête dans le haut. Vous avez moi? Okay. Maintenant, on essaie de dire ici, c'est qu'au ciel, n'importe quoi est vivant au ciel. Le trône est vivant. Ça, c'est le trône de Dieu qu'on a décrit comme ça. On avance. Okay. On avance. Ok, donc le trône n'est pas quelque chose de physique comme ça qui est inerte. Au ciel, tout a vie. Au ciel, tout, même l'eau peut parler, au ciel, même la couleur peut parler. Ah, l'autel, ok, vous avez ça. J'avance. Ok. Maintenant, il a considéré les pieds. Il considère, donc vous pouvez dessiner comme un animal, comme une chaise qu'on a faite. Il y a la roue, sur la chaise a la roue. Vous voyez, quand la roue roule comme ça, la chaise va comme ça. Vous faites comme la roue, vous savez, votre chaise du bureau. Vous avez le roue en bas. Et vous sont en bas, vous faites comme ça, les chaises, vous allez. Maintenant, il a décrit le roue jusqu'en haut, au milieu. Maintenant, il va décrire au-dessus maintenant, de l'extrémité du haut, pour voir maintenant ce qu'il y a en haut. Maintenant, regardez. On avance là, frère. Verset 23. Sous ce ciel, sous ce ciel, en haut, on a dit qu'au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites, l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun d'eux qui les couvrait, chacun d'eux qui couvrait leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit des grosses eaux, ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtent, ils laissaient tomber leurs ailes. Le tonnerre fait comme ça parcourt toute la terre. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel, étendu sur leur tête lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Mais écoutez bien maintenant, verset 26. Au-dessus du ciel, tout en là du coup en dessous le ciel. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Vous y êtes? Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée au-dessus en haut. La majesté du Seigneur Jésus. Maintenant, c'est pas fini le trône. Donc, il a dit de regarder comme ça, il a regardé ses ailes. Il a dit de considérer en montant. Il considère en montant, il voit ce qu'il y a en haut, il considère en montant. Verset 27. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était. Vous êtes comme ça au verset 25. Cet homme. Donc, le trône était comme ça, le feu était comme ça, mais c'était quelqu'un qui était comme un homme. Cet homme. Pourquoi il dit homme? Parce qu'il a vu l'aspect d'un homme dans cette flamme de feu. Celui qui a dit Sol, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, monsieur? Il n'a pas dit monsieur, il a dit Seigneur. On avance. Et qui rayonnait tout autour. Depuis la forme des serins jusqu'en haut, et depuis la forme des serins jusqu'en bas, j'ai vu comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Verset 28. Tel l'aspect de l'art qui est dans la nuit à un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Amen. Ésaïe 40. Ouvre la maçon calée poster. Ésaïe 40. Ésaïe 40. Ésaïe chapitre 40. Vous y êtes? Nous allons dire quelque chose de merveilleux. Je vais lire à partir du verset 1 de Ésaïe 40. Vous allez me dire que. Regardez ce qu'on vient de lire ici, là où j'ai cessé dans Ésaïe, dans Ézéchiel, d'accord? Ézéchiel a conclu en lisant que ce qu'il a vu c'était quoi? Ce qu'il a vu c'était quoi? L'image de la. Regardez encore, je regarde. Verset 28. Verset 28. Allons-y, lisons à haute voix. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante. L'entourait. Deux points. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Donc ce qu'il a vu, c'était quoi? La gloire de l'Éternel. Ok, maintenant, allons-y, Ésaïe chapitre 42. Gardez bien cette phrase dans l'esprit. D'accord? Ce que Ézéchiel a vu, c'était l'image de la gloire de l'Éternel. Écoutez très attentivement. Je ne sais pas comment on peut lire la Bible ainsi. Chapitre 40 d'Ésaïe. Regardez. Verset 1. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Écoutez, nous avons dit à Ézéchiel, dans Zacharie aujourd'hui, que quand, le jour quand la pierre va venir, il va enlever l'iniquité de cette peuple en un jour. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Vous y êtes. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Donc quand quelqu'un sera pour crier, pour préparer, c'est Dieu qui va venir. N'est-ce pas? Maintenant, écoutez bien. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux s'échangent en plaine et les défilés étroits en vallon. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. Donc Jésus est la gloire de l'Éternel. C'est Ézéchiel, donc c'est lui dont Ézéchiel a vu. Vous y êtes là? C'est lui, Ézéchiel a vu. Moïse l'a vu de la même façon. Quand il a passé, il a proclamé, il est passé en proclamant l'Éternel. Allons sur Exode 33. Exode 33. C'est dans Exode là. Dès qu'on finit, on va dans Hébreu. On va s'arrêter pour la question, sinon ça va m'entraîner par tout le monde. Exode 33. Écoutez très attentivement. Vous chantez ça chaque fois. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Regardez. Verset 18. Moïse dit. Fais-moi voir ta gloire. Vous voyez, vous lisez, vous avez moi. Oui. Verset 18 de Exode 33 dit quoi? Moïse dit. Oui. Fais-moi voir ta gloire. Voilà. Donc Moïse a posé la question à Dieu. Il veut voir la gloire. Sa gloire. Donc Moïse cherchait voir Jésus. L'Éternel répondit, je passerai devant toi toute ma bonté et je. Vous y êtes? Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Bon, maintenant regardez. Regardez, il y a encore une autre conversation qui ne tient pas debout, ça vient notre langage. Fais-moi voir ta gloire. Je ferai passer devant toi mes bontés et je proclamerai le nom de l'Éternel. Donc, il va passer devant lui. Donc, devant lui, il va dire que l'Éternel est éternel. C'est ça, voir sa gloire. Il dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Il va faire passer devant Moïse toute sa bonté. Il va proclamer le nom de l'Éternel comment? Il proclame. Suivons-le, d'accord? Verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Moïse a demandé de voir la gloire de Dieu. Remarquez très bien que je veux faire voir ta gloire, pas ta face. Il dit, ok, je vais le faire passer, mais tu ne peux pas le voir. Mais remarque bien que Dieu ne dit pas que tu ne peux pas le voir, il dit que tu peux pas me voir et vivre. Suivons-le. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Vous avez vu là où il a placé Moïse? Si tu ne le places pas en Christ, tu ne peux pas percevoir cela. Tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas percevoir cela. Il le place d'abord en Christ. Il n'est pas sur un caillou. Il n'a pas porté Moïse alors que vous mettez sur la pièce et le rocher. C'est pas ça notre problème. D'accord? Regardez maintenant, regardez. Écoutez très attentivement. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je ferai passer toute ma bonté et proclamer le nom de l'Éternel. Vous voyez? Tu ne pourras pas voir ma face. Tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Et oh, Moïse a demandé sa gloire. Ok, voici un lieu près de moi. Le rocher là se trouve près de lui, pas sur la terre. Il dit, tu te tiendras sur le rocher. Le rocher se trouve où? Près de lui, n'est-ce pas? Il dit, verset 22, quand ma gloire passera. Regardez le verset 20. Regardez le verset 20. L'Éternel dit, tu pourras voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Verset 19 dit, je ferai passer devant toi ma bonté et je proclamerai. Verset 22 dit, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Quand ma gloire passera jusqu'à ce que j'ai passé. Quand ma gloire passera jusqu'à ce que j'ai passé. Et verset 23 enfin, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Ézéchiel a vu sa description totale sans voir la face. Vous y êtes? Hébreux 1. Hébreux. Vous y êtes? Chapitre 1 des Hébreux. Oui. Oh, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Seule phrase, par lequel il a aussi créé le monde, devrait faire réfléchir. Ça veut dire dans Genèse, quand la Bible déclare que, et Dieu dit que la lumière soit, le Père était dans le Fils. N'est-ce pas, parlant? N'est-ce pas, mes frères? On dit, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, c'est pas le Fils qui a créé le monde. Donc, le Fils est le Créateur, non? Ou mieux, Dieu a créé le monde au travers du Fils. Et on nous dit que rien de ce qui a été créé dans Jean chapitre 1, elle était auprès de Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite. Au commencement, il était avec Dieu. C'est là où il a caché Moïse. Pour lui faire voir toute sa gloire. On continue. Et qui, c'est la phrase, hein, la phrase continue parce qu'il n'y a pas encore un point. On dit, par lequel il a créé le monde. Selon, on parle du Fils. Donc, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Qui le fils là, n'est-ce pas? Qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Vous y êtes? L'empreinte de sa personne. Dissocie l'empreinte d'une personne, on voit. Mais tu as lu la Bible, tu as souligné, non? J'ai lu toute la Bible deux fois. Dans tous les cas, on entendait la prédication là. Mais c'est un privilège de partager, de vivre. J'ai lu toute la Bible deux fois. Vous allez au ciel, vous chercherez Dieu sans le voir, vous trouverez Jésus. Je crois que c'est, simple. Amen. On prend une pause et on continue par la suite. D'accord? Dans la deuxième partie, d'accord? Elle t'a fait partager.